Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, et tout particulièrement ceux de From Software, puisque c'est déjà le 4e épisode de l'émission consacrée à ce studio. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut les tarniches. Et je suis aussi avec Exerve. Together. Très bien, voilà. Vous voyez que voilà, le moral est au beau fixe, puisqu'on se retrouve pour parler d'Elden Ring, voilà, un an après la sortie du dernier jeu de From Software. Ça y est, l'épisode Fin du Game et dans vos oreilles, on est parti. Vous savez pour quel genre de ride on est parti pour. Oh, ça a pas duré longtemps à mon avis, un petit épisode d'une petite heure. Bah allez, 20 minutes, ouais, 20-25 minutes. On va plus vite faire le tour. Donc on va revenir sur le jeu, on va essayer de dire ce qu'on peut vous dire sur sa création, on va revenir sur ce qu'il nous raconte, voilà l'histoire d'Elden Ring. Peut-être qu'on passera un peu plus de temps que ce qu'on peut dire d'habitude dans l'émission. On reviendra bien sûr sur son open world, qu'est-ce qui a fait que voilà, la lecture de l'open world de From Software a permis d'apporter un petit peu quelque chose de neuf ou pas, on va voir ce qu'il en est, et puis voilà, on reviendra sur ce grand succès. Mais avant ça, on remercie notre sponsor, le PlayStation Plus. Je le rappelle, c'est cette ludothèque à laquelle vous pouvez accéder en vous abonnant selon différents paliers. Ce qu'on peut vous dire, c'est que là, juste au moment où on fait l'épisode, un tout petit peu au début de semaine, il y a Horizon Forbidden West qui est arrivé dans le PlayStation Plus Extra. Moi, je pense d'ailleurs que je vais pouvoir ce sera un bon prétexte pour me lancer dedans à moindre frais. Pour parler plus de From Software, il y a le remake de Demon's Souls qui est là, incroyable, voilà, validé par la Street. Ah bah là, évidemment, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, visuellement, ils se sont tellement fait plaisir, Bluepoint. Voilà, ça a évidemment relancé toutes les rumeurs comme quoi il y aura peut-être un jour un remake de Bloodborne et tout. Donc je sais que le simple fait de le dire, ça va hérisser des poils. Je n'en sais rien, on ne sait pas sur quoi il bosse. On ne sait pas. C'est vrai que là, actuellement, apparemment, en tout cas, on ne sait pas sur quoi il bosse. Effectivement. Mais sinon, toujours dans le PlayStation Plus Extra, si vous n'avez pas votre dose d'esquive et de boss à pattern, il y a les The Surge, yes, qui sont disponibles aussi. Tu y avais joué toi? Oui, je les avais tous fait. De toute façon, c'est le studio, donc c'est Deck 13, hein, c'est le studio allemand qui avait fait Lord of the Fallen, voilà, le premier, puisque du coup, voilà, c'est un reboot. Il y a le deuxième qui arrive. Qui était nul, on va le dire. Et après, ils se sont un petit peu remis un petit peu en question avec The Surge, qui est une série qui est vraiment super intéressante, qui a vraiment une proposition un peu autre que ce que font les Souls. Donc moi, je vous recommande les deux. C'est voilà, des bons Souls-like. Ouais, hein, ça fait partie de. Pour moi, ça fait partie des rares qui arrivent à rivaliser, entre guillemets, sur certains aspects. Voilà. Très bien. Donc voilà, tout ça est disponible dans le PlayStation Plus Extra. On remercie évidemment Sony pour le sponsoring de cette émission. On va pouvoir commencer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise sur qu'est-ce que va être le générique, parce que de toute façon, on va faire le thème. Musique d'Elden Ring. Voilà, je pense que c'est. Et ça faisait longtemps, moi, que j'avais pas eu un jeu où tu sais le menu. Tu sais, t'attends quand même un tout petit peu avant tu écoutes un petit peu et après tu te lances, parce que quand même à chaque fois, ça te met dans l'ambiance. Le hein. beat drop arrive, tu vois, il fait quand même vraiment du bien. Mais c'était vraiment le truc où tu lances le jeu, t'attends quelques secondes et tu dis ok, on en est là. Enfin, tu vois, ça te met dans l'ambiance instantanément, ça va être un sacré ride et bon. Après, t'es en train de te remettre du gros écran blanc de ces Bandai, tu frottes encore un peu les yeux. C'est ça, tu frottes les yeux là d'un coup, t'as la grosse musique. Mais c'est tout, vous ne comprenez pas. Tout est dans le lore. Exactement, c'est la création. Eh bien écoutez, on se retrouve juste après ça. Elden Ring, c'est sorti le 25 février 2022, hein, je le disais quasiment bon anniversaire. Jour pour jour, voilà, bon anniversaire Elden Ring, c'était sorti sur console PlayStation, sur console Xbox et sur PC, c'est développé par From Software, on l'a dit, c'est édité par Bandai Namco. Alors, on va pas revenir sur l'histoire de From Software et d'Hidetaka Miyazaki puisqu'on l'a déjà fait un certain nombre de fois dans cette émission, et je crois qu'à chaque fois d'ailleurs je dis qu'on revient pas, donc il faut vous renvoyer à l'épisode sur les Souls, hein. On avait fait Il me semble que sur l'épisode de Bloodborne, on avait dû quand même faire un petit... C'est normal, Kiro. Il le méritait, j'ai envie de dire. mais par contre, ce qu'on peut juste dire, donc le dernier jeu de From Software, c'était Sekiro, et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que après Dark Souls 3, le studio s'est un peu subdivisé en différentes équipes pour travailler sur de multiples projets. Donc d'abord, il y a Sekiro. Ensuite, il y a Elden Ring qui était dans les tuyaux. C'était, j'imagine, des gros tuyaux. Et puis bah, maintenant, on le sait, il y a Armored Core 6 qui peut-être commencé à être prototypé. Enfin, peut-être, oui, voilà, ça doit faire un petit bout de temps qu'ils bossent dessus. Exactement. Parce que de toute façon, donc moi, j'avais rencontré Miyazaki, c'était à la sortie de Dark Souls 3, donc c'était en 2016. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, donc lui, il avait vraiment officiellement pris les rênes du studio. Il avait fini en gros sa formation parce qu'il avait une espèce de période de transition entre Bloodborne et Dark Souls 3. Et du coup, il disait à ce moment-là, ça y est, on est passé avec trois, development units. Donc on a vraiment trois jeux qui sont préparés en parallèle. Et donc à l'époque, il commençait dès 2016 à suggérer l'idée de Elden Ring en disant, voilà, je vais faire mon énorme jeu, je vais faire mon gros jeu. Ça y est, c'est parti. Ouais. Sachant que depuis, on le sait que chacun des jeux est co-dirigé en fait avec une autre personne de l'équipe. Oui, l'objectif en fait c'est vraiment que lui il essaye de de vraiment prendre son rôle de patron à cœur et de ne pas imposer entre guillemets son côté créatif. Genre j'imagine qu'il doit valider, tu vois, un niveau très high concept, mais l'idée je pense qu'ils essayent de former des gens et de faire monter des talents en interne pour que y a des gens qui puissent prendre sa relève, parce que il faut le savoir, on l'avait déjà dit, mais Miyazaki avait entre guillemets pris la relève du patron précédent. Ouais. Tu vois, qui était aussi un dev. Ils avaient essayé de maintenir un petit peu ce lien entre chaque patron. Et puis de mémoire, je crois que jusqu'à Dark Souls 3, ils continuaient de bosser sur des choses assez précises, genre d'écrire certaines descriptions d'objets. En tout cas, c'est ce que j'avais cru lire. En tout cas, voilà, je crois que Sekiro déjà, il avait déjà reculé. Il y avait quelqu'un d'autre sur Sekiro qui avait un poste important. Mais c'est vrai que c'est important de dire que il est plus. En fait, il est vraiment au pilotage du studio en tant qu'entité et après creative director. Mais sur chaque jeu, il est vraiment accompagné. Il y a vraiment quand même une seconde personne qui va être là pour l'idée. Et je trouve que c'est vrai que tu vois, déjà, on voyait avec Sekiro qu'il y avait quelque chose un peu différent. Sur Elden Ring, il y a quelque chose de fondamentalement différent qui arrive avec l'open world, et avec Armored Core, j'imagine que ce sera encore autre chose. Ça va être complètement une autre équipe du coup, avec d'autres talents et surtout d'autres moyens. Enfin, ça va être assez intéressant à suivre. On en reparlera sûrement à la fin de l'épisode. Parce qu'il sort cette année. C'est prévu pour cette année. Ouais. Effectivement, oui. Alors, la création d'Elden Ring, je pense que le premier point finalement avec lequel on découvre tous Elden Ring, c'est ce deuxième nom qui s'associe à celui d'Hidetaka Miyazaki, c'est Gr. Martin, je sais pas si t'allais la faire. Je sais qu'il s'appelle George. Et après, je sais pas ce que c'est. Probablement Rolls-Royce, j'imagine. C'est Ricard Radan. Ouais. Exactement. Mais c'est exactement ça. Godwin, ouais. Ricard Radar, Martins. Ouais. Donc, c'était au reveal en 2019. Voilà, on apprend que George Martin a travaillé sur le jeu avec Miyazaki. En vrai, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est qu'ils ont plutôt. Ils se sont rencontrés quelques fois. Voilà, Miyazaki, c'était un fan de Martin, de Game of Thrones et tout. Faut encore se replacer. C'est que, quand on est en 2016-2018, la hype, elle est encore assez. Et fort, c'est 2015-2016, parce qu'en fait, dans les interviews à cette période-là, il commence à parler de George R.R. Martin, tu vois, en discretos, en disant « Alors moi, j'aime beaucoup ses livres, j'aime beaucoup tel livre, machin », parce qu'il parle beaucoup de ses lectures, Miyazaki, quand tu l'interviews. Et en fait, c'est à cette période qu'ils se rencontrent. Ouais. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est 2017, je crois, ou 2018, la fin de Game of Thrones. Je me souviens qu'on avait regardé pendant la préparation, mais en fait, c'est assez tard que ça arrive. Le dernier épisode, c'est 2019. Ouais, c'est ça, la dernière saison. Ce qui arrive à peu près au même moment que le reveal du nom de Martinez, qu'on rappelle, on reviendra en détail là-dessus, mais la com, c'est vraiment, donc il apparaît en trailer, il y a sur la moitié de l'écran, Hidetaka Miyazaki, et ensuite seconde partie de l'écran, hop, Martin qui apparaît, donc il y a vraiment un effet d'annonce, et c'est la même année que la dernière saison de la série. Même si, la dernière saison de Game of Thrones, c'est la dernière saison de Game of Thrones, mais la hype, et le nom en fait de George Martin maintenant est vraiment rentré, connu, et puis dans la Dark Fantasy, c'est, on a l'impression que c'est la référence jeux vidéo Dark Fantasy et la référence Dark Fantasy des séries qui passe aussi, donc il y a quand même un effet d'annonce qui est vraiment fort. Oui, un petit côté Dream Team, entre guillemets. Et en plus, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait pas mal de rumeurs. Ça faisait plusieurs mois, en fait, que la rumeur tournait en mode, putain, apparemment, George Martin, il a fait un jeu avec From Software, tu vois. Et au début, tu te disais, what the fuck, quoi. Et au final, ben non, c'était effectivement ce qui s'est passé. Il y avait eu juste quelques années avant, je crois, tu sais, FF15, ils avaient fait un film en parallèle, ils avaient repris beaucoup d'acteurs de la série Game of Thrones. Donc c'était vraiment, c'est un peu le truc que tu veux associer à ton nom en communication. Alors concrètement, c'est vrai que George n'a pas écrit énormément de choses qu'on voit dans le jeu. Par contre, ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'il a posé un petit peu le mythe derrière vraiment le lore, hein, les fondations. Donc c'est ces histoires un peu de famille qui se disputent ce pouvoir de la volonté divine. Moi, tel que je me le figure, t'as vraiment genre deux petits fauteuils, tu vois, deux petits gars là comme ça avec leur petit plaid. Ils ont un petit thé au citron et ils sont devant une cheminée et tu sais, ils discutent ou alors ils écrivent à la plume, parce que je pense que c'est des gens qui écrivent à la plume. Ils sont là genre, ah oui, alors ça serait un monde, il y aurait un arbre géant, incroyable, genre c'est génial, j'adore. Et comment il s'appellerait les personnages? Une histoire en M, voilà, on va faire un petit bac avec tous les noms comme ça, et tout ce qui commence par M ou en R, et voilà, ils ont tout noté, ils ont fait, c'est bon, c'est une famille, et puis en fait les mêmes lignées, ça commence par la même lettre, parce que c'est comme ça que ça marche. On est passé à côté de Marcel, Michel, on aurait pu les avoir. À la façon dont tu parles, j'ai l'impression que le thé au citron, il le fumait aussi. Peut-être, je ne sais pas. Vraiment, je pense que tel qu'il le raconte, en tout cas, tu vois, comme on peut le comprendre dans les interviews, et comment George Martin, parce que c'est plus lui en fait qu'en parle, ils se sont juste rencontrés, ils ont discuté, tu vois, et Miyazaki, je pense qu'il s'est juste fait un gros kiff en mode, je vais rencontrer ma star, on va discuter de fantasy tous les deux parce qu'on a ce truc-là en commun, et voilà, il y a dû avoir une espèce de brainstorming et d'idées qu'on bouillonnait, et ça a donné naissance à l'univers d'Elden Ring. On reparlera l'histoire après, mais c'est vrai que de toute façon, quand tout le monde a commencé à finir le jeu, c'était un peu la blague, genre, ah oui, c'est vrai, Martin a bossé dessus, parce que c'est pas flagrant quand tu joues. Vraiment, ce qu'il dit Miyazaki dans les interviews, c'est que ce côté, voilà, les familles qui se disputent un petit peu, c'est, en gros, c'est ça qui rapporte, parce que sinon, reste, et encore une fois on le verra, c'est quand même dans le jus, c'est le bouillon Dark Souls habituel, il y a les mêmes saveurs. Tu l'aurais pas su, tu t'aurais pas dit, tiens, ça me fait penser, non. Exactement. D'autres références littéraires qu'on peut citer, évidemment, il y a le Seigneur des Anneaux, et c'est normal, en fait, dès que tu mets un ring dans quelque chose et que c'est de la fantasy, t'es obligé de renvoyer à Tolkien. Presque dès que tu fais de la fantasy, c'est tellement fondamental, même si, voilà, Miyazaki le dit, il n'y a pas forcément de lien avec le Seigneur des Anneaux, surtout que dans Elden Ring, l'anneau, c'est pas un anneau que tu mets autour du doigt, c'est plus idée un petit peu plus. Il y a les doigts, mais il n'y a pas. Il y a des gros doigts, mais il n'y a pas de gros anneaux que tu peux mettre sur les doigts. Et puis ici, une autre référence, peut-être que ça parlera à des gens, qui est le champion éternel de Michael Moorcock, dans lequel on retrouve justement l'idée d'affrontement entre le chaos et l'ordre, des cycles qui se répètent et tout. Donc, quelque chose, j'imagine, qui a dû parler un petit peu à Miyazaki. Donc, je ne sais pas si. Toi, tu connais Moi, j'ai lu du coup le cycle d'Elric, du coup, qui est la grande œuvre de Michael Moorcock, et il me semble que le champion éternel, c'en est un truc qui en est tiré. Puis esthétiquement, on enlève toujours aussi des petites rêves potentielles à Berserk, l'arbre monde, machin, qui n'a pas été inventé, mais visuellement, il y a un petit, quelque chose. L'arbre géant en plein milieu, quand je l'ai vu la première fois, enfin, tu vois, je veux dire, c'est plus Yggdrasil qui faut lancer instantanément que la version Berserk. Désolé pour le micro-spoil du tome 12 millions. tu vois, ce côté gros arbre, bon, de toute façon, c'est un motif qu'on retrouve souvent dans la culture mana, dans les Secret of Mana, etc. Enfin, l'intégration de ce genre de motif dans des RPG, c'est plus très choquant aujourd'hui. C'est vrai. Alors, ensuite, sur la création, comme d'habitude, From Software, et c'est pas des gens qui font 1000 conférences à la GDC, donc on n'a pas non plus énormément d'informations. Ils en font pas, même d'ailleurs. Exactement, et on n'a pas trop d'infos. Les quelques interviews que même Miyazaki donne, en général, sont assez promotionnelles, donc il n'y a pas vraiment de beaucoup d'insight, on va dire, sur le design. Ce qu'on sait, c'est que le studio a évidemment grossi pour pouvoir donner vie à Elden Ring. Il y a aussi encore beaucoup plus de prestations à terre que d'habitude, un peu de génération procédurale comme dans tous les open world en fait, pour pouvoir garnir ce monde, avec derrière les artistes qui vont remettre une petite touche ici et là pour essayer de quand même différencier les différents endroits et ne pas donner cette impression de répétition, même si on pourra en discuter après. Et puis dernier truc moi que j'avais noté personnellement, c'était encore une fois dans cette interview dans Edge, Miyazaki qui disait un truc qui choque en fait, venant d'un créatif dans le AAA, c'est de dire que bah nous, les graphismes, c'est pas notre priorité numéro un. Voilà, bravo. Et non, mais c'est vrai, tu te dis, bah, c'est en fait que ce studio-là qui arrive à ce niveau-là avec Elden Ring et à faire rêver autant de monde et te disent que bah, les graphismes, c'est pas leur priorité, ça fait presque du bien en fait. Parce qu'on se dit, bah, ça fait peut-être un petit moment qu'on se le dit, que c'est peut-être pas la priorité. De toute façon, c'est pour ça que je disais bravo, parce que bah, c'est un truc que je dis régulièrement, que les graphismes, ça fait pas un bon jeu vidéo. Et effectivement, je pense que ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien qu'ils le disent, parce que du coup, ça peut. Elden Ring, on en reparlera dans l'épisode. Je pense que c'est un jeu qui peut débloquer quelques verrous, tu vois, dans le cerveau des devs. Et si le verrou du graphisme pouvait un petit peu sauter par moment, ça serait intéressant. Parce que bah, cette course au rendu graphique, de toute façon, est vouée en fait à une impasse dans le développement. On pourrait en discuter, tu vois, longuement, mais du coup, de le dire, c'est pas le rendu graphique qui compte, c'est plutôt l'esthétique, etc. Exactement. Putain, oui, ça fait du bien, bien sûr. Ça et les réutilisations d'assets où des gens vont dire, regardez cette animation, c'est la même que ça, machin. Et tu sais, bah, Miyazaki va faire oui. Bah oui, oui, bah, souvenez-vous, God of War, tu sais, il y avait eu un petit shitstorm en mode, regardez, ils montent dans le bateau de la même façon. Oui, bah, ils vont pas refaire une animation pour ça, bruti. Voilà. Mais quand même des ambitions, bah voilà, qui étaient extrêmement importantes avec Elden Ring. Et là encore une fois, peut-être c'est toi qui avais pu discuter avec lui. Oui, parce que du coup cette fameuse interview, donc pour vous redonner le contexte, c'était pour la promotion de Dark Souls 3. Voilà, Bandai Namco avait mis les petits plats dans les grands. Ils avaient récupéré une espèce d'église à, je sais plus où c'était, une ville en Allemagne qu'ils avaient redécorée. Parce que Dark Souls 3, c'est, grosse com quand même. C'était le. C'est 10 ou 12 millions de ventes, Dark Souls 3. En quelques années. Je crois qu'en 4 ans c'est 10 millions. On avait déjà quand même franchi un gros palier. Parce qu'il y a eu Dark Souls 1 et Bloodborne, tu vois, qui quand même sont commencent à être vraiment salués par de plus en plus de gens. C'est vrai que Dark Souls 3, tu sens que c'était le moment de tout mettre, de jouer à ce jeu-là. Il a fait la couve de plein de magazines à l'époque. Ah bah oui. Et du coup, Miyazaki était présent là pour répondre à des interviews. On avait quand même une grosse demi-heure avec lui pour discuter. On parlait de tout et de rien, pour de vrai. Enfin, tu vois, j'ai pas tant parlé de Dark Souls 3 que ça. Je lui posais des questions justement sur son boulot, comment ça se passe quand il est patron et tout. Et ce qu'il m'avait dit, et ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai l'impression que je le dis toutes les 5 minutes, c'est que maintenant, en fait, ce qu'il avait expliqué, c'est que maintenant qu'il est patron, il est sur un siège éjectable. C'est-à-dire qu'il a dit, maintenant que je suis tout en haut, ma place, tu vois, genre, je peux pas monter plus, mais surtout, je peux redescendre à tout moment. Et donc, mon prochain projet, j'y vais all-in, en mode YOLO. Tu vois, genre, je mets tout là-dedans et... De toute façon, quand tu joues Elden Ring, c'est littéralement ce que tu comprends. Tu sens que l'intégralité du studio a misé leur avenir dans le jeu. Et ça, c'est un truc, j'en ai discuté avec pas mal de devs. C'est assez terrifiant quand tu y joues et que tu sais comment on fait un jeu vidéo. La quantité de trucs qu'il y a dans Elden Ring, tu te dis, ah ouais, ça, c'est un jeu qui. Voilà. Qui est né dans la douleur. Oui, ça c'est pas étonnant. Alors on parle de com, donc on va revenir un petit peu sur la communication autour du jeu, parce qu'elle a joué un rôle important quand même dans ce qu'a été Elden Ring culturellement au sein du jeu et vidéo. Ce qui est encore, parce que c'est pas fini. Et tout à fait, tu as tout à fait raison de le préciser, bien sûr. Donc on avait dit, c'est l'E3 2019 qui a ce reveal avec George R. Martin. Silence radio pendant 2 ans, ensuite on aura vraiment pas trop d'infos, et d'ailleurs on en parlait pendant la préparation, on a l'impression qu'il fonctionne un peu comme ça en fait. Ils font un reveal et ensuite c'est... Il n'y a plus rien Sekiro, du tout. Sekiro, en tout cas, c'était pareil. Bloodborne, c'était pareil. Okay. Ouais. Et ensuite, en fait, un peu avant que le jeu finalement n'arrive, là, ça y est, ils vont vraiment envoyer des cartouches avec une grosse séquence de gameplay, des trailers, et ça veut dire que le jeu arrive. Et là, c'est ce qui va se passer pour Elden Ring, puisque l'autre vrai gros trailer de gameplay, on va l'avoir qu'en novembre 2021, donc voilà, quelques mois après, avant la sortie du jeu, avec notamment ce trailer, on peut saluer Al236, qui avait fait la voix qui accompagnait le trailer. Et puis il y avait aussi une phase de bêta test mondiale, c'était quoi en fait, on pouvait jouer 5 heures, un truc comme ça, 5-6 heures de jeu en fait. C'était il y avait une zone qui était fermée, voilà, t'avais accès à Necrolimbe, donc vraiment juste la première zone de Necrolimbe du jeu, et c'était des horaires, c'est à dire que t'avais le droit entre telle heure et telle heure. Et l'idée c'était de tester le multi, et c'est un truc pour info qu'ils font depuis Dark Souls 2, c'est à dire que ça fait vraiment partie maintenant des fondamentaux de leur com. T'as toujours une phase de bêta, de close network ou de network test ou un truc comme ça. Il y avait eu ça pour Bloodborne, il y avait eu ça pour Dark Souls 3, et il y a effectivement eu ça pour Elden Ring, et ça a permis, du coup, quelques mois avant la sortie, avec l'hype, etc., il y a des vidéos, je veux dire, tu vois, j'ai participé au truc, donc tout le monde peut jouer, tout le monde peut filmer, tout le monde peut partager ses impressions sur ce nouveau truc. En plus, la zone de départ, t'as déjà un dragon, t'as accès au cheval, ils avaient mis plein d'objets de fin de endgame pour qu'on puisse voir un petit peu le potentiel du truc. La bêta se terminait sur Margit, qui est quand même un des boss les plus impressionnants que tu vas croiser au début du jeu, donc ça avait fait son effet, quoi. La sortie arrive donc en février et là, bah, c'est un peu le, bah, c'est un peu le raz-de-marée, hein, tout simplement. C'était tout annoncé. Le monde, oui, c'est ça. On le sentait venir, mais peut-être pas dans des proportions comme ça. Déjà, il y a les notes qui tombent et on est sur un 94, 96 sur Metacritic. Hein, ça dépend des plateformes. Sur PC, voilà, il est un petit peu en dessous. Il a 94 parce qu'il y a des petites. Tout n'était pas parfait au niveau de ça la a technique. Mis, bien deux mois facile à se fixer un petit peu hein, sur PC. C'était mais pas. Voilà, on est sur 96. C'est le jeu qui a été un des mieux notés de l'année dernière et il va rafler absolument tous les prix. C'est ce que je disais dans la vidéo, c'était un peu le côté le GOTY était là quoi. Bah, on était fin février, début mars, vraiment, c'était plié en fait. Jouant, moi je me dis vraiment, c'est ce que je me suis dit et c'est comme ça que je le présentais un peu dans mon top à la fin de l'année. Je me disais, j'espère qu'il y aura un jeu qui pourra me faire vivre un truc un peu plus, tu vois. Mais en fait, non, il y avait parce que la première c'était place, écrasé. Tu vois, quoi. C'était le, à la rigueur, il y avait le duel pour la deuxième, troisième place, avec tu vois, avec God of War. Il était prévu pour la fin d'année, mais en fait, et moi j'ai adoré God of War, mais c'est pas le même délire. Devait y avoir Zelda qui sortait la même année. Oui, décalé, il a été repoussé. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, tout dépendait de Zelda. Bah, je crois que c'était ça. Une fois que Zelda, pardon, a été décalé en 2023, tout le monde a dit c'est bon, Zelda. Ouais, le GOTY par défaut. Ouais, c'est ça. Et bon, cette année, a priori, enfin, tu vois, cette année, c'est un peu différent. Il y a éventuellement plusieurs candidats, mais l'année dernière, c'était violent. Et moi, je me souviens que dès la version, la preview qu'on avait faite, donc c'était fin janvier, je crois, on avait eu le droit de jouer un peu plus longtemps. On avait joué 5-6 heures avec Bandai. Enfin. C'était sûr, tu vois, je leur avais parlé à l'équipe de Bandai là à Lyon, je leur avais dit bah oui, enfin c'est bon, enfin c'est plié, tu vois, c'est pour moi il y avait aucun match vraiment et bon bah ça s'est confirmé évidemment. Et avec le recul, voilà, il y en a pas eu, il y a pas vraiment eu de match et toutes les rédactions, enfin voilà, il est vraiment arrivé numéro un partout et puis il a évidemment gagné le jeu de l'année au Game Awards. Alors c'est assez rigolo parce que God of War a trusté tous les autres prix, tu vois, plus ou moins, et Elden Ring il a juste gagné. Bon bah lui par contre c'était le jeu de l'année quoi. Oui, puis bon, de toute façon c'est propositions différentes, c'est-à-dire qu'il y a, là on parle d'un open world, il y a des gens qui vont préférer God of War parce que bah t'as une histoire claire avec des gens qui te parlent, une histoire linéaire et il est pas mal, tu vois, Ragnarok. Bon, c'est deux écoles un peu différentes, mais c'est vrai que le GOTY globalement ça a été Elden Ring dans les rédacs quoi. Non et puis c'est surtout que tu vois, il y a eu un truc, tu vois, pendant un mois et demi, deux mois, bah tout le monde était à jouer à ce foutu jeu quoi. Et je me souviens les premiers jours, je me souviens que j'avais pu jouer une petite dizaine d'heures, j'étais monté à Paris, j'avais croisé Gotos, j'avais croisé Oupi de JV, et tout le monde était un peu en train de jouer à ce truc là et on sentait qu'on jouait au truc important du moment quoi. C'est assez drôle parce que encore une fois c'était quelques semaines plus tôt, il y avait Horizon qui était sorti, tu vois, Horizon Forbidden West qui avait eu la même histoire parce qu'il était sorti en même temps que Zelda Breath of the Wild, donc bon, pas de bol chez Guerrilla et tu vois, genre on l'avait déjà oublié. Enfin, alors évidemment, moi je me suis investi corps et âme dans Elden Ring pendant plusieurs mois, mais de toute façon, enfin, j'avais pas l'impression qu'on parlait d'autre chose pendant tout ce moment-là. Oui, quoi. Ces discussions ont été faites. Alors, t'en es où, t'sais, c'était ça. Tu vas un peu à tâtons, tu sais, toi, t'as fait l'ascenseur là sur Froid, tu fais esquisser, enfin, comment je fais un peu pour parler. Tu dis rien, tu vois. Bah, c'est vrai que nous, on l'a vécu en plus tous les trois un petit peu en même temps. Alors, toi, Benoît, évidemment, t'étais un peu en avance, puisque voilà, y a certaines personnes qui sont un peu privilégiées. Il y a des passes droits, voilà, exactement. Oui, je l'ai quand même eu 48 heures avant la sortie. Nous, on l'a eu un jour, je crois, avant la je l'ai peut-être eu 3-4 jours avant, c'était un peu le drame entre guillemets d'ailleurs, mais c'était j'avais un petit peu d'avance, c'est surtout parce que j'y jouais non-stop, enfin je me levais le matin, je prenais mon café, je vois une autre personne en face de moi, je jouais pas mal 8 heures par jour, était au travail, c'était 8 heures ou rien, c'est 4 même chose, mais c'est ça en fait, l'hygiène de vie, faut le voir comme 2 fois 4 heures, tu vois, tu te réveilles, tu fais 4 heures, tu manges, tu fais 4 heures et voilà, c'est bon. Moi je me souviens vraiment de ce message de Maxime qui me dit, putain Hugo, c'est une bassine de crack ce jeu, ou un truc comme ça. Il m'a vraiment envoyé un truc comme ça, tu vois, j'en peux plus, je fais que ça. Donc voilà. Moi, évidemment, j'avais encore des obligations familiales, je ne pouvais pas faire que jouer. Mais voilà, c'est vrai qu'on a vécu un peu ce truc en même temps. Je me souviens qu'on discutait beaucoup du jeu à sa sortie. Voilà, on n'était pas dans la FOMO, on était tous les trois dans le truc. De toute façon, c'était prévu. Même si, voilà, en fait, ce qui est aussi vrai, c'est que vraiment, ça a duré. Des gens qui se sont lancés dans Elden Ring, pas forcément le jour. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas joué à Elden Ring. Et d'ailleurs, je pense que si vous nous écoutez dans 2-3 ans, vous serez bien plus nombreux et nombreuses à y avoir joué. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait, culturellement un truc qui se passait. En fait, c'est ça. C'est parce que là, nous, on se raconte des souvenirs. Il y a un petit côté anecdote qui est rigolo. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'était pas spécifiquement nous. Là, pour la première fois, et beaucoup plus que toutes les autres précédentes fois pour les sorties de From Software, là, la bulle de gens qui ne parlaient que de ça, qui racontaient des trucs dessus, qui partageaient du contenu sur ce jeu, elle était omniprésente. Enfin, c'était Internet pendant quelques semaines, ne parlait parler plus ou moins que de Elden Ring. D'habitude, je suis pas un gros joueur de Day One, de gros jeux, j'ai tendance à attendre un peu. En plus, là, il y avait des petits soucis techniques sur PC, donc d'habitude, j'aurais pu attendre sur quelques semaines, quelques mois. T'as eu une mésaventure d'ailleurs, toi, avec une sauvegarde, t'as failli. Oui, c'est vrai, j'ai eu une sauvegarde corrompue, mais ça, bah, Steam, en fait, ça s'est réglé ça, très bien. Et mais parce que je voulais pas louper ce moment, parce que avec Sekiro, tu vois, Sekiro, j'ai joué peut-être un an après sa sortie, et il y avait aussi déjà, alors c'était moins important, mais il y avait déjà un petit peu cet effet, tu vois, où parce que c'est des jeux qui ont des petites surprises, des petites choses, il y a beaucoup de vidéos qui se partagent sur Twitter et tout, et je me suis dit, cette fois-là, j'ai envie de partager ce moment avec d'autres gens, de comprendre les références, et il y en a eu plein, tu vois, on avait noté quand même qu'il y avait plein de mèmes qui étaient sortis avec, il y a Let Me Solo Her, alors ça, c'est venu un petit peu après, quand même, je pense, c'était pas dès la sortie, mais t'avais les tortues, les chiens, tu vois, les petites surprises que tu trouves dans le monde, et c'est ça, en fait, maintenant, les From Software, je me dis, j'aime bien être là, tu vois, parce que j'ai une timeline quand même de gens qui, globalement, aiment bien ça sur Twitter, et c'est un moment qui est assez cool à passer. Non, mais voilà, je pense que c'est vrai que c'était ça qu'on voulait souligner, c'est que il y a eu un moment de flottement en fait d'un mois où Elden Ring c'était la culture jeu vidéo pendant un mois, comme ça l'a été en fait avec vous vous souvenez Breath of the Wild, c'était un peu pareil, ouais. Tu vois, on a vraiment l'impression que tout le monde ne parlait que de ça, et d'ailleurs je l'avais pas vécu parce que j'avais pas de Switch à l'époque, tu vois, je l'ai eu un peu après. Là c'est vrai que voilà, tout le monde s'est arrêté là-dessus, c'était et c'est le moment aussi, voilà, on réalise, on va en parler aussi du pourquoi il y a d'autres personnes qui ont pu se greffer, mais là voilà, tout le monde était dans le même bateau. Et il n'y a plus personne qui pouvait vraiment dire que c'était une niche. Je pense que là, c'était fini, tu vois. Ouais, c'était déjà fini avant, mais là. Mais là, voilà. On a passé encore un autre stade. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait avant, on n'était plus une niche, et maintenant, on est sur un truc mainstream où ça y est, tout le monde était vraiment en train de jouer. Je pense que c'est bien de le dire. Voilà, les jeux From Software sont mainstream aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est fini depuis des années, le truc de c'est une niche, quoi. C'était Demon's Souls et Dark Souls, mais après, à partir de Bloodborne, de toute façon, c'est terminé. Très bien. Avant de passer à l'histoire, je rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Le prochain palier qui nous fait kiffer, c'est de pouvoir éventuellement inviter des personnes dans l'émission, voilà, faire entendre d'autres voix au sein de cette fin du game, pouvoir aussi ouvrir l'horizon vers d'autres jeux, ça servira aussi à ça. Si ça vous parle, si ça vous branche, en fait, de moins nous entendre, en fait. Voilà, si vous nous aimez pas, c'est le moment. Putain, mais c'est génial, mais comme oui, en fait, tout est bon. Si vous nous aimez, wow. Bah, soutenez-nous. Et si vous nous aimez pas, soutenez-en plus. Voilà, soutenez-en d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Je rappelle que le lien est dans la description. Et ça fait super plaisir parce qu'on s'en rapproche. En fait, on le voit. Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Donc, on est content que cette idée-là, ce projet-là, vous motive aussi. Nous, c'est vraiment un truc ça fait très très longtemps en fait qu'on en parle, qu'on essaye de voir comment on va pouvoir faire, comment ça va être possible, comment ça va être possible, tu vois, combien on va payer les gens, comment on va les héberger, comment on va les faire venir, enfin, parce que de toute façon on veut vraiment faire ça propre, entre guillemets, on veut pas profiter de la gentillesse des gens et de la passion Aircote. Donc voilà, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir faire ça, donc merci beaucoup. Très bien, alors l'histoire d'Elden Ring, on parlait de George Martin, de gens qui s'appellent en R, de gens qui s'appellent en G, de gens qui s'appellent en M, voilà, c'est les trois possibilités, George, R, Martin, tout est calé. Bon, alors c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe en entre-terre, Benoît? Ok, bon, alors déjà, j'ai mis un espèce de petit warning. disclaimer, exactement, voilà. Public Service Announcement. Non, il faut le savoir, comme dans tous les jeux From Software, l'histoire en elle-même n'est pas quelque chose qui vous est donné de manière très linéaire, bien explicite. Une grande partie du lore, en fait, elle est uniquement tiré de dialogues, de descriptions d'objets, des descriptions des sortilèges et de ce qu'on peut comprendre en regardant l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de narration environnementale. Il y a deux, trois statues, je crois. Il y a des statues, il y a des dragons, il y a des machins comme ça. Et bref, tout ça pour dire que tout est ouvert à l'interprétation, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la sphère From Software, c'est la chaîne de Vaativedia en général qui fait un peu foi, beaucoup même ont tendance à la proclamer comme une espèce de parole d'évangile, ça reste des interprétations. Donc voilà, il n'y a pas de vérité, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, il y a plein d'aspects qui sont flottants, et moi j'aime bien le dire parce que ça me fait marrer, rien n'implique que les descriptions des items ne sont pas des gros mensonges. Ça se trouve, on nous ment depuis le début dans From Software, on ne le sait pas, peut-être qu'ils se foutent de notre gueule. Ils nous mentent. Et donc, pour l'histoire, on est dans un monde de fantasy avec des divinités qui viendraient d'un autre espace, du cosmos, de l'espace, on sait pas trop, qui ont de l'influence sur l'entre-terre, hein. On parle de la volonté divine qui vient justement prendre son ascendant à travers Marika, donc c'est une reine d'une civilisation qui vient pas de l'entre-terre, qui va devenir une déesse grâce à tout ça, au pouvoir de l'Elden Ring. L'Elden Ring, il faut voir ça comme une espèce de loi, d'ensemble de lois, de l'ordre. Qu'est-ce qui permet de définir la vie dans le... C'est des grandes runes avec des pouvoirs. Dedans, il y a notamment une rune de mort dont on reparlera un petit peu plus tard. En fait, c'est un peu la vérité, genre, ils qualifient ça, tu vois, de la recherche de la vérité. C'est un peu... Moi, je vois vraiment ça comme l'ordre, tu sais, genre, les lois fondamentales de l'univers, tu vois, genre, nous, on a la gravité, la force faible, la force forte, c'est une forme de vérité, finalement. Ouais, ouais, les lois qui nous régissent, tu vois. Les lois, effectivement. Et donc, bah, en fait, elle va répandre la bonne parole, hein. C'est littéralement une conquête religieuse de la volonté divine à travers Marika, à travers ses armées, à travers également l'installation de l'arbre, puisque le fameux gros arbre qu'on voit n'est pas le premier arbre de l'univers, il y en avait un autre avant. Ils l'ont fait pousser sur un autre, hein. C'est une espèce de parasite là. Et du coup, ils vont imposer tout ça. Il va y avoir notamment des personnages. C'est le Golden Order, c'est ça. C'est l'ordre divin. L'ordre. Alors, le Golden Order, c'est comme ça qu'ils l'appellent une fois qu'elle a retiré la rune de mort et qu'elle rend les gens immortels. Ah, avant, c'est juste le Elden Ring. C'est tout à fait, oui, tout à fait. Et il va y avoir des gens comme Oharalu qui va devenir le premier Elden Lord, qui va devenir le premier mari de Marika. Qui est Godfrey. Qui est du coup Godfrey quand il se calme, quand on lui file un lion pour le calmer, manifestement. Non, mais c'est vrai qu'il y a un délire. Genre, bah, ça calme, il s'accale le lion et après il est énervé. Il a placé sa colère, on va dire, dedans. Et donc, ben, à partir de là, ils vont en fait attaquer toutes les différentes factions qu'il y a sur l'entre-terre. Il y a les gens à Voile Orage, il y a des gens à Kaelid, il va y avoir une grosse guerre là-bas. Et il y a les gens d'Urnia qui résistent. Hein, c'est un peu le village des irréductibles des Gaulois. Des magiciens. Les magiciens, voilà, qui se battent contre la foi. Ça, c'est un vieux trope des jeux From Software. C'est Radagon qui va s'occuper de la campagne militaire là-bas. Et il va tomber amoureux de Rhenala. Voilà pourquoi. Petite rencontre diplomatique. Et puis, c'était pas ton 06. T'es pas mal quand même. Ça te dit, on fait des gosses ensemble. On fait des enfants. Rhenala, qui est la représentante de la famille Lucaria et qui est donc la chef de l'académie de Raya Lucaria, qui forme les mages de l'Urnia que tu as cité. Et donc, ils vont avoir trois enfants ensemble. C'est les trois R. C'est Rani, Radan et Rykard. Ensuite, Radagon, pour une raison, on ne sait pas, il décide de quitter Rhenala et d'aller épouser Marika. Et c'est à partir de là où ça devient un flou artistique génial, puisqu'on ne sait pas si... On sait que Radagon et Marika sont la même personne, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Peu importe. Et pendant ce temps, ce qui va se passer... En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a trois... il y a trois lignées. Il y a la lignée première qui est avec les G, donc c'est Godry, Godfrey, tous ces gens-là qui sont nés de Marika et de Godmachin. Voilà, c'est ça. En gros, ensuite, il y a la lignée de Rhenala, donc ça, c'est tous les gens qui descendent de Radagon, Rhenala. Et ensuite, il va y avoir une dernière lignée qui descend Marika et de Radagon, qui est Malenia, Mikaela, Morgoth, Mog, Mogwin, tout ce bazar. Ils ont bien charbonné. Hein. Ah oui, oui. Bah, en plus, du coup, si tu te dis que c'est la même personne, ça devient très compliqué. On va pas rentrer dans l'arbre. En termes d'héritage, qui sait qui a le droit à mais quoi. Mais justement, finalement, c'est succession. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lutte de pouvoir entre ces différents, toutes ces descendances-là. Et le moment, en fait, charnière de tout ça, c'est qu'après avoir retiré la rune de mort de l'Elden Ring, Marika, elle a donc rendu les gens immortels. Elle contrôle la mort. Hein. C'est le Destined Death, comme dit Malikès. Et en fait, Rani va voler un petit morceau de ce truc-là et parvenir à tuer Godwin, un des enfants de Marika, la fameuse nuit des couteaux ou je sais plus quoi. Et à partir de là, c'est la merde. C'est l'éclatement, puisque Marika, elle arrive avec son gros marteau et elle fait bam. Voilà, je pète l'Elden Ring. Radagon, il essaye de le réparer, mais ça marche pas. Alors c'est la même personne. Mais alors, c'est les conflits internes. Je casse, mais non, je voulais pas. Il y a un petit truc. Mais tu regrettes, c'est exactement ça. T'as cassé un truc et t'es là. Exactement. Putain, j'aurais pas dû. Combien ça coûte, c'était genre tu regardes le prix de la facture de l'Elden Ring, t'es là ah merde. Non, on raconte très très bien le lore, je pense qu'on va faire des vidéos. Non, et en tout cas après les différentes factions vont se battre, ils vont se partager en fait les Radan différents morceaux, qui se bat contre Malenia, voilà, ça c'était une des cinématiques du début, c'est ce fameux de grande guerre. Et en fait nous on arrive un peu après techniquement on est de la descendance de Godfrey qui est parti un peu qui a été exilé, voilà, qui aurait, alors si j'ai bien compris, ça fait potentiellement partie des plans de Marika d'avoir exilé Godfrey et dans l'espoir que sa descendance très très très très très lointaine revienne plus forte parce qu'elle est partie machin et succès. Oui, il y a une histoire comme quoi, au bout d'un moment, place, en fait, Marika, elle a été une zélote pendant une grande partie de sa vie, et au moment où elle pète l'Elden Ring, en fait, elle doute de la volonté divine, tu vois, elle remet un peu en cause la religion et tout ça, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens du Golden Order, eux, voient Marika comme un peu une, tu vois, ils veulent un peu la rejeter, entre guillemets, quoi. Mais bref, comme dans tous les jeux From Software, nous, on n'arrive pas au moment qui est intéressant, on arrive après la guerre, c'est littéralement. Hein, c'est toujours comme ça, en fait. Hein. Dark Souls, c'était la même chose. Bloodborne, même combat, et ainsi de suite. Et là, littéralement, on est donc un sans-éclat, donc un descendant de Oharalu, de cette lignée un petit peu, entre guillemets, là. On redébarque en Entre-Terre, on a une petite lumière voilà, qui nous est tombée dans la main, on se dit, j'y vais, hop, je débarque. Et le boulot, ça va tout simplement d'atteindre le trône, le trône hein, qui est à l'intérieur de l'arbre. Et en fait, comme dans, encore une fois, tous les From Software, on va avoir différents choix. Là, il y en a un peu plus que d'habitude. Ouais, il y a combien, c'est 1, 2, 3. Voilà, là, il y a 5 ou 6 fins. En fait, en fonction de la faction pour laquelle on va un petit peu se lier. Donc, tu les as notés. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est nous qui devenons le Elden Lord et qui décident en gros de l'avenir de l'Entre-Terre. Donc, la fin de base, que celle que Mélina nous demande de faire, c'est la fin statu quo. C'est-à-dire qu'en gros, on maintient le statu quo. On lit le feu. On lit le feu. Voilà. Les gens sont toujours immortels. Il y a toujours un Elden Lord dans l'arbre. Tout va bien, quoi. Il y a la fin de Fia. Donc, la fille là, qui peut nous prendre dans ses bras, etc. Où elle, c'est l'inverse. On va pouvoir réintégrer la rune de mort à l'Elden Ring et redonner un peu un fonctionnement normal. Mm-hmm. Les gens y vivent et à la fin, ils meurent. Voilà. Comme dans la vraie vie. Il y a la fin du coprophage. C'est-à-dire que là, tout le monde est maudit. Tout le monde pue. Tout le monde mange du caca. Tout le monde pue. En plus, anglais, le nom de ce perso, c'est Dung Eater. Mais coprophage, oui, ça fait le mot scientifique. Alors, Dung Eater, c'est mange caca. C'est mange bouse, quoi. C'est mange merde. Il mange merde, comme dans Harry Potter. et donc, en fait, lui, le coprophage, il va en fait supprimer l'influence des divinités externes. Il va vraiment laisser grâce au caca, il va laisser les humanités entre elles. Il y a la fin du Golden Order. Je suis un gros fanatique. Je rejette les divinités externes et la nouvelle divinité, c'est l'arbre. Voilà, on a décidé que c'était l'arbre. Il y a la fin. Je remplace la divinité par la flamme exaltée, qui est une autre divinité. C'est la Frenzied Flame. Ouais, la Frenzied Flame, tu sais, c'est les trois doigts là qui veulent prendre le contrôle. Et donc, ça fout la merde. Et enfin, il y a la fin Rani, où elle décide que la nouvelle divinité, c'est la lune. Ouais, on passe dans un autre âge de magie. En fait, c'est l'âge de. Ouais. Finalement, c'est Lucaria. C'est pas Lucaria. C'est l'influence Lucaria, en tout cas de la lune qui prend le pas, sachant que après, Rani épouse le Elden Lord, enfin le protagoniste, et il se barre. Voilà. Et il laisse les gens se démerder entre eux. Moi, j'avais noté, on se casse, démerdez-vous. Oui, parce que la volonté divine, en fait, c'est pas la seule entité un peu. Il y a d'autres grands anciens. C'est ça. Sachant que l'entité divine, sa représentation dans le monde, c'est l'Elden Beast. C'est vraiment le boss final qui est incarné, en fait, qui incarne cette puissance-là, quoi. Bon. Voilà, c'était l'histoire. Oui, j'ai quand même essayé de noter des trucs. Tu as très bien fait le travail. Voilà, les gens pourront le noter. On a passé plus de 10 minutes sur l'histoire, donc je pense que la fin du game ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. C'est vrai qu'avec Dead Cells, Borderlands 2, c'était pas trop ça. Surtout Dead Cells, il n'y avait pas grand chose à dire. Bon, en fait, surtout ce qu'on s'est noté, nous, c'est que voilà, encore une fois, à part ces histoires de famille qui se tirent dans les pattes, voilà, succession Game of Thrones, concrètement, c'est vraiment la même sauce que d'habitude. C'est toujours une histoire de cycle, quelque chose qui est en train de dépérir et qu'on va soit pouvoir prolonger sans rien trop toucher, ou alors on va changer, nous projeter dans un nouvel ère. C'était l'ère du feu, l'ère des dragons, machin, l'ère de l'ombre. C'est littéralement la même chose que d'habitude. C'est toujours ce truc de cycle. C'est la même. Voilà. Et puis c'est l'histoire dans les grandes lignes, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées. Il y a plein de sous-intrigues, d'autres factions, de vénération. Tu sais, il y a la putréfaction, la Scarlet Rot, il y a tout un lore autour de ça. Il y a les cités divines souterraines, souterraines. Cités éternelles. Éternelles. Bon, il y a plein de choses aussi. Qui n'existent plus, donc bon. Oui, voilà. Mal choisi votre nom. Mais il y a tout un lore autour de ça. Voilà, allez sur Internet, Vatividia, on l'a dit. On peut lui faire un petit coucou. C'est Ludic, sa chaîne YouTube, qui fait pas mal de boulot, pour essayer de vulgariser tout ça et de vous proposer une version en français si vous ne comprenez pas l'anglais de notre ami Vati. Very well. Eh ben, écoutez, voilà, c'était l'histoire d'Elden Ring. Comme d'habitude, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus dans ces jeux, même si, voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que contrairement à d'autres jeux, le jeu là fait un effort pour t'expliquer assez facilement. C'est vrai que ça, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. C'est que tu sais ce que tu dois faire. Voilà. L'impression. Et puis moi, tu vois, ce truc de lutte pouvoir, j'ai à peu près capté. Tu vois. Ouais, et puis d'ailleurs, c'est présenté dès le début. Tu vois, c'est il y a des gens qu'on en tue et d'autres. Il y a une nuit, il s'est passé des trucs sombres. Et ça y est, c'est le bordel. T'es là, très bien, très bien. T'as un perso quand même, c'est la tortue pape là, qui te dit assez tortue clairement pape. Des gros Myriel. Événements. Non, la tortue pape. Okay. La tortue mitre. C'est un voilà, chien, c'est une tortue. Oui, c'est le gros chien avec une mitre. Mais qui te dit quand même assez clairement certains gros événements. Et c'est lui qui te guide d'ailleurs vers la statue. Tu sais, où si tu fais un signe devant, c'est la statue de Marika qui se transforme en statue de Radagon. Mm. Et c'est ça qui est censé t'indiquer que c'est la même personne à un moment donné. Donc lui, c'est une bonne béquille quand même. Mais si jamais t'as pas mal de Lord Dump en fait à différents moments. Il y a plusieurs personnages qui vont beaucoup t'aider. Ouais. Il y a Enya, donc qui est la liseuse des doigts, tu sais, qui va te faire un grand discours à chaque fois que tu tues une divinité, elle va te faire un discours. Mélina, tu peux régulièrement lui demander de venir au feu de camp et elle va te faire des citations. Elle dit littéralement d'après les mots de Marika, donc tu vois, elle cite Marika, elle cite la parole de Marika. Puis il y a The All Knowing là, lui, tu peux lui demander. En fait, c'est quand même le premier jeu, tu dis ok, alors il y a ce mec là et ce mec là à buter, t'as une liste et tu peux lui dire, et alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, lui, il a bouffé un serpent. Ça c'est Ricard. Ah non, c'est un serpent qui l'a bouffé. Pardon, excuse-moi, c'était pas la bonne histoire. Donc, oui, c'est Ricard, vrai que c'est donné au serpent. Voilà. Donc, c'est vrai que le jeu est peut-être un tout petit peu plus abordable aussi sur ce côté histoire que l'était Dark Souls, genre les serpents. Les délires avec Franck et tout, tu comprenais pas quoi. Ouais. Dark Souls, il te disait juste il y a deux cloches, démerde-toi. Voilà, enfin, c'est ça. Tu vois, c'est... Là, moi, je sais que quand j'ai fait le jeu, à la fin, j'avais compris ce qui s'était passé, j'avais compris les grands enjeux, je savais pourquoi je faisais tel ou tel truc, j'avais à peu près compris ce qui se passait, tu vois, Radahn, Malenia, Mikaela, c'est bien pour ça, je trouve. Je sais pas, on en parlera peut-être après, mais tu vois, sur les factions, elles sont plus identifiables, tu vois, monde-là. T'as une région. Tu vois que les gens, c'est région, c'est normal, ils sont côte à côte, ils font la guerre. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est pareil, tu vois, donc il y a quelque chose de logique finalement dans tout ce qui se passe. C'est plus ça, moi je pense que j'ai capté, parce qu'en vrai, moi, l'histoire principale, j'avais pas compris. Tu devais devenir le Elden Lord et que tu devais aller à l'arbre. Oui, mais parce que j'ai joué à Dark Souls et je sais que il y a un siège où on s'assoit ou on s'assoit pas, tu vois. C'est un peu toujours la même histoire. C'est vrai que c'était un peu ça. Mais sur le côté, voilà, les différentes factions, comme tu as dit, on reviendra un petit peu là-dessus sur le Dark Souls en open world finalement. Ouais. Ce sera un petit peu ça. Et bah justement, c'est ça en fait qu'on voulait revenir, c'est que certes l'histoire c'est un peu la même chose, et même en termes de gameplay, c'est un peu Dark Souls 3 avec une moustache, hein, comme on dit, Dark Souls 3 en open world. Oui, c'est ça, parce que vraiment, en fait, quand toi t'as relancé Dark Souls 3 depuis, et on constate assez vivement à quel point c'est littéralement les mêmes assets, les mêmes mouvements, enfin le perso se dirige exactement de la même façon. Voilà, il y a juste l'ajout du saut. Oui. Mais sinon, c'est vraiment. Ouais, ils ont un peu changé la tronche des jauges. L'interface n'est pas tout à fait la même. Non, mais vraiment, je vous invite à faire le test vous-même. Lancez Elden Ring, genre 20 minutes. Relancez Dark Souls 3, 20 minutes. Vous allez voir, c'est littéralement ce qu'on appelle le rig, donc l'ensemble le squelette d'animation du personnage qu'on incarne, c'est le même. Il n'a pas changé. La gestion des vêtements est la même. La gestion des attaques, des animations, le game feel, c'est littéralement la même chose. J'ai noté un tas d'équipements qui sont repris à l'identique, hein. Il y a des armes, ils se sont même pas embêtés à les redesigner, ils ont pris cette arme là, c'est la 263e épée, ils vont pas s'emmerder à refaire une autre épée. Ils ont juste passé un petit coup de chiffon ils l'ont frotté et puis ils ont... Je les imagine avec leurs petits produits. Bah ils entretiennent et puis on ressort quoi. Ils ont sorti un forgeron avec des grands cheveux. Enfin, tu vois, ils se sont dit c'est pas André, mais un peu quand même. Mais du coup, on va reprendre aussi, même en termes de gameplay, les fondamentaux qui ont été installés avec Dark Souls 3, puisque on n'a pas fait un épisode dédié à Dark Souls 3, donc il y avait ce truc des Weapon Arts, qui étaient donc des attaques liées à chacune de vos armes. Et là, en fait, ça s'appelle les cendres de guerre dans Elden Ring. Et la grande différence, c'est qu'elles sont interchangeables. C'est ça, idée. Des armes, sauf on peut les armes uniques qui ont une version spéciale, mais la plupart des armes classiques, elles sont soit interchangeables, donc c'est une super idée. Et ça, en termes de gameplay, c'est que les armes ont une attaque spéciale qui consomme une barre de mana, c'est ça le truc. Ouais, et c'était déjà ça dans Dark Souls 3, puisque du coup on revenait à une barre de mana. Et donc c'est des attaques, un petit tournicotis, une attaque en pique, c'est un move un petit peu particulier qui va pouvoir donner un avantage plus ou moins significatif dans certaines situations. Et après, sur la magie, ça va être des magies un peu particulières, etc. Mais on reprend vraiment un truc qui avait été installé dans Dark Souls 3. Oui. Et après, sur la rythmique des combats, c'est toujours la même chose. Hein. C'est vraiment tourne-tour, les boucliers, les backstabs, les paris au dernier moment, tout ça. Toute la grammaire, en fait, du combat de Dark Souls, qui est même là depuis Demon's Souls, c'est Sent beaucoup quand on joue à Elden Ring, c'est qu'entre-temps, ils ont fait Sekiro. Et tu vois qu'en termes de travail sur les animations, sur l'utilisation des contretemps et des la temps morts... La vitesse aussi. Et hein. la vitesse globale du jeu, on sent qu'ils sont passés sur Sekiro et qu'ils sont passés un petit palier supplémentaire de nervosité parce que c'est fini. Enfin, la lourdeur d'un Dark Souls 1, ça fait très longtemps qu'on n'a plus ça aujourd'hui. Quoi. Et puis, il y a même des ennemis qui sont les mêmes. Hein. Les squelettes, c'est exactement le même délire. Vois, les squelettes, ils se sont pas pris la tête. Ils ont repris littéralement les mêmes. Les chiens, les fameux chiens avec leur ouf ouf, petite attaque qui arrive et après deuxième petite attaque sur le côté. T'en as une version avec des poils, une version sans poils, mais c'est toujours la même saloperie. C'est effectivement le même truc. Et puis, en fait, on peut dire que c'est le jeu From Software qui a le bestiaire le plus large. C'est n'importe quoi en termes de quantité. Mais il y a eu beaucoup de réutilisation. Et encore une fois, c'est logique parce que c'est comme ça que sont produits les jeux. Et là, il y a vraiment ce côté, on fourre tout ce qu'on a et on utilise. Tout est réutilisé quoi. Et parfois on utilise un autre mot, hein. On a les fameux feux de camp, mais qui sont des sites de grâce. Rien à voir. C'est pas du tout pareil. On a dit on était un tarniche sans éclat, alors qu'avant c'était carcasse, hollow. C'est voilà, il y a le même système de dame ou de runes. Si vous avez joué à Dark Souls, franchement, ça n'a rien à voir. En fait, vraiment, en termes de gameplay, on est à 90% sur le même truc. Et les 10% autres, c'est le cheval. Moi, c'est ça sur le côté, tu vois, sur le côté gameplay. Vraiment, pour moi, j'en suis à un niveau maintenant où on met les charentaises. On met les pieds dedans et ça y est, on est à la maison. C'est pour le meilleur et pour le pire. Ça reste toujours un petit peu compliqué. Et t'as raison de le dire que c'est normal. Et moi, je pense qu'il faut vraiment le souligner pour les gens qui nous écoutent, c'est que il faut pas voir ça comme de la flemme ou de la malhonnêteté de la part du studio. Tout ce travail qu'ils font, ils le valorisent en fait. Donc c'est normal qu'ils le conservent d'un épisode à un autre. C'est s'ils avaient pas fait ça, on n'aurait pas eu d'open world parce qu'ils auraient dû des ennemis, refaire des trucs. Quand tu vois le nombre de boss qu'il y a dans le jeu, ça a déjà demandé un travail titanesque. Donc s'ils avaient pas repris l'essentiel des animations et des modèles des armes et des armures, on peut faire un contre-parallèle entre guillemets avec ce qu'on avait fait sur Cyberpunk 2077. 17, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu où il a fallu tout réinventer. Donc, forcément, ça s'est cassé la gueule. C'est compliqué. Ça a été très dur. Ça aurait pu marcher, on est bien d'accord. Mais ça a été très compliqué. Il y a quand même une forme de lucidité dans le dire ok, je vais tout mettre, on va faire un open world. Donc, en termes d'ambition, on monte. Mais par contre, on réutilise vraiment les fondamentaux de Dark Souls 3. On intègre un petit peu de mécanique, notamment sur la chorégraphie des combats pour les boss. Et comme on l'a dit, sur le rythme, on intègre un peu de Sekiro dans le mix parce que ça a tellement bien marché que on y gagne en fait en intensité dans les combats de boss, mais à part ça, tout le travail évidemment se repose sur l'open world. Oui, et puis c'est beaucoup d'économies aussi en ce qui va concerner le level design, parce que tu gardes les échelles, les proportions, tout ça. Il n'y a pas besoin de revoir un petit peu toute ton école. Oui, c'est vrai que tes métriques sont les mêmes. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est tout con, mais c'est assez un truc très level design. Donc savoir les distances, quel truc on peut utiliser, de saut, une distance d'attaque, tous ces trucs-là. Voilà, c'est ça exactement les portées des armes. Étant donné que c'est un jeu qui se repose essentiellement sur notre capacité à lire les animations des ennemis et à pouvoir jouer sur des fenêtres d'opportunité et de défense, si on ne change pas ça, ça fait gagner un temps fou. On se rend pas compte, mais c'est vrai que tu as raison de le souligner. Je n'y avais pas pensé, mais c'est énorme comme temps gagné. Hein. Et puis sur les boss, on a toujours quand même un savoir-faire, quand même quelques boss assez incroyables. Même si je dois avouer que moi, c'est pas celui que je retiendrai c'est pas la plus grande force d'Elden Ring. Je trouve qu'après un Sekiro, justement, c'était peut-être celui en concentration de boss impressionnant. Le meilleur ratio boss. Bon, là, faut dire que le ratio dans Elden Ring, il y a un problème, c'est qu'il est divisé par 200, donc forcément. Ouais, et puis tu croises tous les boss 3 ou 4 fois. Donc, Mais même sur, tu vois, j'ai pas eu tant de combats qui m'ont tant marqué que ça. Je pense que Margit est assez important parce que voilà, c'est le premier mur, on y reviendra. Il y a Godric aussi qui est quand même un bon combat. Sa phase de Oharalu, c'est un de mes boss vraiment préférés. Alors Godric, c'est celui de la Oharalu, je pense que moi aussi c'est probablement un des meilleurs en termes de visuel. Déjà c'est la première fois qu'on a un boss qui se bat à main nue de l'histoire des Souls, prise de catch, et voilà, enfin il est impressionnant, enfin tu vois, quand il tape sur le sol, il y a toujours cette espèce d'intensité, cette violence, parce que tu vois il soulève le corps là de son lion pour le faire dégouliner de sang devant lui. Ouais, ça envoie du pâté, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'on le combat au milieu d'un fucking boss rush de fin, et du coup, il n'y a pas cette espèce de mise en scène des boss, on y reviendra évidemment. Par contre, il y a un truc assez important, c'est que tu vois, dans Sekiro, ils avaient ce jeu des deux faces, puisqu'on avait toujours un peu deux barres de vie. Là, il y a aussi beaucoup de boss. Ah bah oui. Ils ont systématisé ce truc à deux faces. Il y avait déjà, hein, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Je pense à Ludwig, par exemple, dans Bloodborne, qui à la moitié de sa vie, voilà, pète un peu son câble. Mais là, vraiment, c'est quasiment systématique où le boss se transforme littéralement. Ouais. T'as Malikef, c'est ça, tu vois, au début, il est un peu en moine. Après, c'est un truc qui virevolte dans tous les sens. Oharalu qui se transforme. Enfin, il y a vraiment tous les gros boss. Voilà, Malenia, n'en parlons pas. Il y a beaucoup de boss, voilà, qui vont avoir une vraie transformation, deuxième phase à la moitié de leur barbe. Qui est vachement marqué, parce que même sur un Margit, tu vois, où il va d'un coup faire apparaître son énorme marteau, là, quand il te saute dessus. Bon, là, tu dis, ok, ça y est, c'est la P2, quoi. Godric qui va arracher la tête du dragon pour se mettre sur son bras. Tu dis, ah ouais, ok, ouais, c'est bonne ambiance dans ce château. Mais ils ont quand même un certain talent, quand même, tu vois, je trouve qu'en termes de Dark Fantasy, ils sont au-dessus du reste. C'est les faiseurs de Dark Fantasy, et sur les boss, ils ont un niveau, en fait, sur le character design et tout, qui est toujours impressionnant. Tu rigoles toujours avec un moment particulier là de Ricard, mais la mise en scène de Ricard, tu sais, il arrive, donc c'est un point qui est refermé, en fait, c'est juste comment le serpent, il est plié sur lui-même, on donne l'impression que c'est un point qui se déplie comme une main, parce qu'il y a le motif des mains en permanence, et après, quand il arrache l'épée de son corps et que tu vois la tronche de Ricard qui sort, enfin, il est ouf, tu vois, le combat, il est pas ultra intéressant parce que c'est encore un de ces combats où t'as une arme qui fait tout le boulot à ta place, mais par contre, en termes de visuel, de mise en scène, c'est costaud. Il y a Radahn aussi qui est quand même un peu particulier, voilà, avec son petit cheval. son petit kamikaze. Oui. Alors il y a le petit cheval, mais c'est vrai qu'il y a le passage, donc à la moitié de la vie où il disparaît. La première fois, forcément, tu sais pas ce qui va te tomber sur le coin, donc tu te le prends. Et du coup, il te tombe dessus. Oui, il te tombe dessus comme une météore, parce qu'il a d'ailleurs un contrôle un peu de la gravité et tout. Lui, c'est un peu ça, son pouvoir. Donc voilà aussi un combat qui a une mise en scène. Moi, j'ai bien aimé l'idée, tu vois, ce côté, il y a un festival, tout le monde essaie de se réunir, on va essayer de pouvoir battre ce mec qui est en train d'errer sur un champ de bataille, en plus avec la mise en scène de la putréfaction. Enfin, tu vois que la zone où il est, c'est vraiment mort de chez mort. C'est l'enfer, tu sens que Malenia elle est passée par là. Exactement, et ça c'est vrai que c'est assez fort. Mais c'est même un peu drôle, tu vois, il y a un côté burlesque, parce qu'au début justement t'as toute cette grosse mise en scène où il erre sans fin dans un champ complètement désert, et je sais pas, même s'il mange pas les cadavres, il bouffe les cadavres. Et après t'as une espèce de phase, tu sais, moi j'ai pensé à Mario Kart, quand il fait des virages avec son cheval, il est sur un cheval, mais en vrai il y a des roues. Et il y a un côté en plus, dans le lore, tu sais, justement, parce qu'il est énorme pour le tout petit cheval, et c'est grâce à la magie gravitationnelle. En fait, il voulait pas quitter son cheval qu'il adore apparemment, et il maîtrise. C'est vraiment le lore. Le lore permet de faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est juste drôle. En même temps, ça me fait rire. Voilà. Moi, j'avais pensé, je l'avais dit dans la prépa, tu sais, t'as un épisode, je crois que c'est dans le Tour de France d'Astérix, voilà les vraies références, où t'as Obélix qui saute sur un cheval, et Obélix, il est gros. C'est la blague récurrente dans Astérix, et en fait le cheval, vraiment, il ressemble au cheval de Radahn, parce qu'à la fin il s'effondre, tu vois, il s'écrase, parce qu'il y a des moments où il l'écrase complètement, tu sais, le cheval. Oui, quand il retombe dessus, dans le sol, tu vois, mais au début je comprenais pas ce qui se passait, et effectivement le délire Mario Kart où tu le vois qui fait genre t'imagines avec ses petites carapaces là. Mais même pour revenir, tu vois, 10 secondes sur Oharalu, vraiment les prises de catch, il t'envoie en l'air, il te prend, flex sur le sol et tout. Et je trouve, pour moi, c'est un petit côté japonais, tu sais, ce côté un peu décalé, tu vois, où t'es vraiment dans la dark fantasy ultra sérieuse. Et puis il y a un moment, il y a un mec qui te fait des prises de catch, tu vois, tu fais ok. Ouais, et puis il a un charisme, ce boss là. Moi, c'est vrai que Malikes m'avait beaucoup surpris, parce que ce côté, il virevolte, il saute un peu partout, c'est quand même assez impressionnant. Donc, bref, les boss, honnêtement, il y a toujours ce travail. La Elden Beast qui est peut-être pas la plus pas la plus sympa, mais c'est vrai que c'est pas un boss. La mise en, il y a quelque chose d'un peu magique qui est en train de se passer, mais c'est vrai que c'est pas si incroyable. En plus tu lui cours après pendant la moitié du combat, enfin elle se déplace très loin, et tu viens de t'enchaîner Radagon juste avant, qui pour le coup, le combat contre Radagon, moi je l'avais vraiment adoré, parce que la musique, elle est, tu vois, c'est vraiment le climax, beaucoup, parce qu'il a vraiment je trouve qu'il a la rythmique parfaite des souls, tu sais, il y a une danse un peu avec lui dans sa rythmique, et j'ai bien kiffé ce combat. Puis tous ces coups de marteau qui il y a un truc un peu musique que j'aime bien. Et puis de toute façon, dans les souls, moi j'aime bien les boss un peu humanoïdes, ceux qui font pas des quantités de taille, c'est souvent les plus intéressants. Et puis il y a Malenia évidemment que je n'ai pas battu personnellement, voilà, j'ai eu la flemme. J'ai fait non, pas cette fois, j'ai pas envie. T'es allé la voir sur YouTube. Ouais, ouais, non, mais tu sais, en fait, c'est vraiment le truc. C'est, je l'ai pas raconté, mais moi, je trouve qu'après Ishin, tu vois, j'avais atteint mon ok, je peux battre dans ça. Sekiro, tu vois, donc. Dans Sekiro, je peux battre ça, je le sais. Donc en fait, Malenia, je sais que je peux arriver à la battre, tu vois, il n'y a pas de doute dans ma tête. Oui. Mais c'est le côté, en fait, j'ai pas envie de passer 4 heures. Et puis le côté, tu sais, moi, ça récupère la vie, il y a un petit truc avec la Scarlet Lodge. En fait, tu sens qu'ils ont mis le potard un petit peu. Ils se sont demandé, je pense que pour Malenia, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas encore fait et qui rendra ce boss vraiment unique. C'est, elle récupère sa vie. Mais pour le coup, elle récupère sa vie, la première fois, j'étais là, ah putain, ok, ils ont fait ça quand même. Ouais, parce que ouais, ça ouais. te. Pfff. Puis elle a des enchaînements qui sont super longs. La Waterflow Dance, avant de comprdre comment tu l'esquives, tu y passes un certain temps, quoi. Mais bon. Ça reste un boss complètement optionnel. Je trouve qu'elle a bien sa place, tu vois, en mode tu peux y aller si t'as envie. Et de toute façon, tout te fait comprendre quand t'arrives dans sa zone que là t'es dans une zone post-game, post-fin de jeu, et tu cherches la merde en fait, mais, si tu y vas. Mais globalement, voilà, comme on l'a dit, c'est Dark Souls, les combats, c'est la même chose. Je note quand même le saut qui est parfois intégré, qui sert à esquiver certains patterns et qui apporte une petite profondeur supplémentaire. T'as des coups latéraux, t'as des balayages, tu peux sauter par-dessus ou des tremblements, tu vois, quand il y a des pierres qui vont jaillir du sol, tu peux les esquiver, mais sinon, voilà, c'est Dark Souls. Le saut sert surtout dans l'exploration, entre guillemets, mais pas en combat. Je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui se soient amusés à l'utiliser, sauf que, bon, maintenant, on commence à le faire, parce qu'on sait que ça permet de stun les adversaires, donc attaquer en sautant, c'est une très bonne chose. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre, moi, personnellement, mais une fois que tu t'y es fait, c'est vrai que c'est difficile de revenir après à du pur au sol, à la Dark Souls, ça fait un peu bizarre. Donc, on l'a dit, c'est vraiment les fondamentaux de Dark Souls, et plus particulièrement Dark Souls 3, mais on est donc dans un monde ouvert, et on peut revenir sur ce truc, et t'as dit beaucoup que c'était une révolution, genre ça y est, c'était la nouvelle révolution du monde ouvert. C'est vrai que ça a été dit, ouais. Et bon, en fait, quand on regarde dans la structure, pas vraiment, en fait, c'est un monde ouvert typiquement de ce qu'on peut voir habituellement. Alors, il y a toujours des niveaux Dark Souls dans le jeu. Il y a les fameux donjons Legacy, il y en a 5 ou 6 je crois dans le jeu. Et là, on va retrouver la structure labyrinthique qu'on avait, voilà, avec des raccourcis, les machins. Donc beaucoup de verticalité pour le coup avec le saut. C'est vrai que là, ils ont pu pousser un petit peu le niveau un peu plus haut sur cette verticalité. Bon, ça, ils savent toujours très très bien faire, et je pense que voilà, Leyndell notamment est vraiment impressionnant. Pour moi, une des plus belles pièces vraiment de level design qu'ils aient pu faire là dans leur carrière, c'est assez magnifique avec ce dragon qui non seulement est assez impressionnant, mais en plus sert de passerelle au sein du level design. Je trouve que c'est une vraie belle idée de level design. Donc là-dessus, ils sont toujours très très très très forts. Mais du coup, il y a ce découpage. Il y a des zones et alors quasiment chaque zone va y avoir un legacy dungeon ou en tout cas un truc où à un moment on va explorer. Par exemple, le château au sud qui est plus petit, mais qui est un peu le point, tu sais que tu vas y aller à un moment. Et tu le disais, fondamentalement, dans ce découpage, dans chacune de ces zones, il y a une petite checklist qu'ils ont remplie. On va repérer quand même des motifs récurrents. Il y a des camps d'ennemis, il y a des catacombes, il y a des mines, il y a des grottes, il y a les cryptes, les geôles, les arbres mineurs. Il y a vraiment ce truc. Comme tu as dit, fondamentalement, on n'est pas si loin d'un open world de Ubisoft où chaque zone va avoir une tour, un truc, un ceci, un cela. Et pendant que là, les gens, ils sont en train de hurler, tu vois, devant leur podcast, ce qu'on entend par là, c'est que il n'y a pas 36 façons de faire un open world, en fait. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous regardez un Skyrim, un Red Dead, en gros, les grandes familles, c'est Rockstar, Elder Scrolls et Ubisoft maintenant. Ouais. Mais en fait, les trois font un peu la même chose. C'est juste la façon dont ils vous présentent le contenu. Mais cette idée de diviser le contenu et de donner une fonction qui est identifiée pour les joueurs et les joueuses, en fait, c'est presque nécessaire. Parce que si tu rentres dans une mine et que tu ne sais pas ce que tu vas y trouver, ça pourrait être perturbant. Parce que du coup, tu chercherais, tu passerais encore plus de temps, le jeu est déjà assez long. T'imagines si tu te dis je vais dans une mine pour chercher des pierres, et en fait dans cette mine là c'est pas des pierres, c'est autre chose, ça serait un peu le bordel. Alors en fait, là, du coup, il y a un côté systématique en fait, vraiment, et qui est logique en plus. Tu façonnes une zone et tu dis on va répliquer pour en fait, c'est un niveau, c'est vraiment du high concept, c'est vraiment sur d'un point de vue conceptuel. Chaque zone va devoir avoir un certain nombre d'activités, parce que c'est comme ça qu'on crée notre rythme, qu'on renouve, qu'on fait notre boucle, qu'on fait expérimenter From Software. Étant From Software, il crée des lieux lieux qui ont un lien avec l'endroit où ils se trouvent et le lore global, c'est-à-dire que les catacombes, donc c'est là où on va récupérer les fameux morceaux de muguet ainsi que les cendres des esprits qu'on peut invoquer, et à chaque fois, à la fin, il va y avoir une espèce de petit morceau de racine de l'arbre qui permet de voir que les cadavres remontent dans les racines et ressuscitent de cette façon-là. Tu vois. Mais ça, pour justifier les choses, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein. C'est sûr là, dans certains jeux, tu pourrais dire, des tours, ils ont mis des tours parce qu'il fallait des tours. Là, effectivement, From Software, ils savent très justifié. Bien faire. C'est logique qu'il y ait une mine parce que voilà, on va aller chercher dans des les mines, pierres. Du coup, il y a des soldats de Caria parce qu'ils sont en train de chercher les pierres magiques puisque c'est comme ça qu'ils utilisent leur magie. Donc, du coup, tu vas retrouver des motifs liés à la magie et à l'Urnia dans les mines. Enfin, vraiment, à chaque fois, ils arrivent très très bien à donner un sens à pourquoi ce truc-là se trouve à cet endroit-là. Il n'y a que les geôles, je trouvais, qui dénotaient un petit peu. Les geôles, c'est un peu genre. Bon, on a mis un boss. Il y a des boss annexes, voilà. Démerdez-vous avec ça. Mais ils sont fermés. Voilà. Ouais, donc c'est bon. Donc non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que tu vois, il y a des gens aussi qui ont tiqué sur ce truc-là parce que c'est presque un gros mot d'Ubisoft. Alors qu'en fait, c'est juste qu'en fait, c'est eux qui ont formalisé un truc qu'ils ont peut-être un peu trop exploité et ça a peut-être fini par devenir un peu caricatural. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'on fait du monde ouvert. Ou alors, on est sur des mondes ouverts qui sont totalement différents. Je sais pas, Outer Wilds, Subnautica, des trucs qui ont vraiment une approche très différente parce que la recette et le gameplay est différent. Mais là, sur de l'action RPG, ce que font tous les mondes ouverts, on est là. Même un Breath of the Wild, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez vos tours, vous avez vos temples, vous avez les petits camps avec les mobiles, les petits sanctuaires, les petits machins, les endroits où il y a les fées, les relais. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous commencez à identifier les types de contenu que vous allez croiser. En fait, ce qui va changer, c'est comment on vous le présente et qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur. Bah exactement, déjà il y a un truc moi qui m'avait vraiment impressionné, c'est que là où justement peut-être que certains mondes ouverts vont avoir des zones qui sont un peu collées les unes à côté des autres et il n'y a pas tant de le lien, là ils ont vraiment pensé d'abord leur monde comme une entité unique avant de le découper en zones, et il y a notamment l'arbre qui est vraiment au centre du monde. Déjà je trouve qu'artistiquement moi c'est vraiment un truc qui m'a marqué, tu vois, la peinture, tu sais, avec la vague là, en fait c'est une série, c'est vu du mont Fuji, où en fait dans chaque peinture c'est genre 80 peintures où en fait à chaque fois on voit le mont Fuji derrière, et Elden Ring il y a un petit peu ça, tu vois, à chaque fois, à peu importe où tu te balades dans le monde, tu vois toujours cet arbre qui est derrière, et je trouve qu'artistiquement ils ont réussi à donner une identité à leur jeu grâce à cet arbre qui surplombe chacune des vistas, et tu vois son influence qui est très forte, tu vois, à l'Endel, tu vois qu'on est proche du truc, donc il y a la richesse, jaune, l'opulence, etc. Ouais. Et après quand t'es à Kaeli, tu vois qu'il est un peu plus loin l'arbre à ce moment là quoi. Mais déjà, je trouve ça très fort. Et puis, c'est aussi d'un point de vue level design pour se repérer. Voilà, t'as toujours cet arbre qui t'indique, c'est là le chemin où il faut aller. Je sais où mais sauf vais, que c'est pas fait. Une ligne droite, c'est voilà, on circule un peu autour. Il y a un truc un peu circulaire autour de ça, cet arbre. C'est parce que dès le départ, dans les fondamentaux, ils savent qu'il y aura pas de minimap. Il y aura une carte. On va revenir dessus, mais donc t'as besoin de ces repères autour de toi. C'est pour ça aussi qu'on l'a un peu comparé à Breath of the Wild, parce que il y avait cette philosophie de topographie, on va dire, à n'importe quel moment, à part des exceptions, il y a des moments où on est dans des crevasses, des canyons, des choses comme ça, mais globalement tu vas pouvoir repérer certains grands objets. Tu vois, l'Urnia, c'est la fête au Landmarks, parce que t'as une cuvette au milieu, des falaises sur les côtés avec plein de grands bâtiments autour de toi. T'as les tours de runes là. Je sais plus comment elle s'appelle, les tours divines, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est bourré de grands bâtiments, mais ils le savent dès le début que tu vas te repérer grâce à ça. Et l'autre choix qu'ils ont fait, c'est que t'as une carte qui n'a pas d'icône, en tout cas qui n'a pas d'icône tant que tu t'es pas rendu à l'objet. Donc c'est à toi de regarder autour de toi, de dire j'ai envie d'aller là-bas quoi. Exactement. Ouais. Et du coup la carte, et c'est vraiment là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grande nuance, parce que on est dans de la nuance par rapport à la formule Ubisoft, c'est que la carte en fait, ils nous la donnent pas dès le début. Quand vous ouvrez votre carte au départ, vous ne voyez pas les limites du monde, vous ne savez pas quelle taille il fait globalement. Ça fait partie du plaisir de la découverte quand tu vois la carte qui se dézoome à chaque fois. Et dans chaque zone, il faut que tu ailles récupérer un morceau de carte afin de voir vraiment à quoi ça ressemble. Et la carte en plus, elle est magnifique. Enfin, c'est une belle map de jeu vidéo, de jeu de rôle. Enfin, tu vois, je veux dire, toi, en tant que MJ dans une partie de jeu de rôle, t'aurais rêvé de bosser avec des maps comme ça, parce qu'en plus, on reconnaît au bout d'un moment, tu commences à comprendre, il y a des dessins qui te permettent d'identifier, là va y avoir une ruine, tu vois les tombes des héros, on les voit bien du ciel, on les voit bien comment elles sont dessinées. Enfin, il y a plein d'éléments qu'on peut reconnaître au bout d'un moment avec cette carte-là. Mais tu vois, c'est quelque chose, encore une fois, c'est que tu apprends à reconnaître, c'est-à-dire que tu apprends littéralement à lire la carte pour de vrai, à lire ce qui est dessus, pas une checklist qui est déguisée en carte. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment la subtilité. Toute la nuance, elle est là, avec les jeux Ubisoft. Ubisoft, c'est que on te donne pas l'information pré-mâchée. Ah, c'est ça. On te donne un truc et à toi de l'interpréter et de la comprendre. Et toute la nuance, elle se joue là-dessus, et on peut même quasiment résumer leur philosophie en termes de game design à ça. Tu comprends des choses qu'on te montre, et souvent dans les AAA, on a tendance à te pré-mâcher le truc et à te le reverser dans la gorge. Bah, souvent, t'as des marqueurs d'objectifs où juste, là, on te dit 333 mètres dans cette direction, voilà, c'est ça, il y a ton objectif, exactement. Et t'as tendance à y foncer. C'est pas inintéressant plus que ça te permet d'affirmer un choix, de dire je décide de ne pas aller à cet objectif-là et d'explorer. Enfin, il y a un côté tactile, le mode d'exploration, mais là, ils le font aussi, mais de façon plus légère. C'est les sites de grâce qui t'indiquent quand même la direction globale d'un objectif local. Dès le début, c'est voile orage, sinon ça va être en général une rune ou le Legacy Dungeon. En fait, les trucs t'emmènent toujours vers la rune de la zone, en fait, globalement. Et puis, comme la rune, elle est au fond du donjon, en général, ça t'emmène vers le donjon. Mais c'est global, et on l'a dit, il y a tous ces trucs-là, comme la topographie du monde a été pensée pour ça, il y a plein de choses autour de toi qui vont attirer ton regard. Et une fois que tu as débloqué un petit bout de carte, qui est local, on le rappelle, c'est pas toute la carte, c'est vraiment que le coin. Il y a tu vois des petites formes, en fait, tu vois des formes de ruines. Il y a certains motifs très clairs que tu finis par repérer, les geôles ou les mines, c'est des mines très. Ils sont bien, Mais globalement, les autres, tu vois un tas de pierres et tu sais pas encore ce que ça va être tant que tu n'y as pas été. Donc c'est vraiment. Tout ça permet de vraiment susciter la curiosité. Et t'as aussi, on peut noter quelques petits éléments diégétiques aussi, t'as des statues qui pointent le doigt vers les catacombes, ou tu peux invoquer des sortes de formes fantomatiques à certains piliers, des sortes d'obélisques qui vont marcher jusqu'à une mine que t'avais déjà identifié en général. C'est pas ouf, mais c'est là, c'était cité d'autres jeux qui font quand même un petit peu plus, un petit peu mieux, un peu plus élégant. Il y avait Ghost of Tsushima qui fait quand même le coup de vent, enfin moi j'y ai pas joué, donc t'as le vent qui te dirige. Mais ça, c'est toi qui l'active, en fait. C'est-à-dire, tu dis, je veux aller par là, et le vent va souffler dans la direction où tu veux aller. Et en fait, par contre, ils ont quand même, dans Tsushima, ils ont cette science aussi de, tu vas souvent avoir des points de vue très élevés, et tu vois de la fumée ou un incendie, et en fonction, tu sais à peu près que, là, il y a un village qui est attaqué par l'armée mongole, donc tu vas y aller. Tu vas repérer des oiseaux qui vont t'attirer à un endroit, qui va, etc. Il y a des petits renards qui t'emmènent vers un petit temple. Donc, ils arrivent à intégrer comme ça à l'univers ces espèces de petits indicateurs et te donner la curiosité d'y aller. Mais Ghost of Tsushima a un peu plus le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il reste quand même, tu vois, il y a une carte qui est quand même assez détaillée, plein d'icônes, etc. Il y a quand même le côté checklist. Alors que vraiment, Elden Ring, tu sens que eux, ils sont partis du principe que tu ne mettrais pas de marqueur d'objectif parce que c'est pas, tu vas pas avoir un truc. Alors que tu peux mettre, tu peux le faire, mais c'est pas eux qui vont le faire. Donc concrètement, eux, ils attendent de toi que tu vois concrètement dans l'univers du jeu, tu dis, je veux aller là. C'est pour ça que Lurnia, tu vois ce grand château, le vent, tu dis, apparemment là-bas, il y a un truc à faire. Et c'est vrai que ça change complètement ton rapport au jeu, parce que c'est toi qui a cette prise de décision et de réflexion en fait préalable qui est là, que les autres jeux, en fait c'est ça, les autres jeux t'enlèvent cette petite phase de réflexion et qui est importante. Ils t'enlèvent ça dans la possibilité du choix, et l'autre truc qui est super important à souligner, c'est la hiérarchisation du contenu qui en fait dans Elden Ring n'est pas faite, c'est-à-dire que dans n'importe quel jeu vidéo, depuis GTA 3 etc, vous savez quand vous faites un contenu principal et un contenu annexe. Dans Elden Ring, le jeu ne vous dit jamais si vous êtes sur la ligne principale, enfin, ou si vous êtes dans du contenu annexe. On finit par le comprendre naturellement soi-même. Sachant qu'il n'y en a pas, enfin. Et en vrai, il y a quasiment pas de contenu principal. Il y a pas vraiment qu'un contenu principal. On va en parler juste après. Mais un dernier truc, et en fait, c'est ça qui leur permet aussi que ça marche, c'est qu'ils sont grave forts pour ces fameuses vistas, en fait. C'est-à-dire qu'on se disait, quand on sort de la petite zone du tuto, là, quand on lève la porte et qu'on arrive devant Voile Orage. Voilà, exactement. On voit l'arbre, on voit Voile Orage au fond, on voit une tour. Et en fait, ils arrivent à créer des frames comme ça où tu vois, tu te dis, ok, faut que j'aille là. Et c'est pareil quand on arrive à Lurnia. Et tu sais, quand t'arrives à Kaylee, tu passes des espèces de petites barrières, un peu de lave solidifiée. Ouais. T'en as une où tu surplombes comme ça à un endroit, tu vois les corbeaux et tu vois loin. Et après, tu vois le fin fond où il y a eu le trou de la putréfaction. Et ça, ils savent vraiment bien faire. Et c'est un truc, en fait, tu sais, quand tu réfléchis, Assassin's Creed, le premier, c'est ce qu'ils voulaient faire. C'était monte en haut d'une tour et repère la mosquée qui est machin parce que t'as une mission à faire là-bas, et il y a un petit croissant de lune qui dit c'est là-bas. C'est pareil. C'était l'intention, mais ils avaient pré-mâché avec la Libus qui s'est rajoutée parce qu'ils avaient fait des playtests et les gens peut-être n'arrivaient pas à lire aussi bien. Et finalement, on se dit que 15 ans après Assassin's Creed, maintenant on sait mieux faire lire dans le monde ouvert. Et là, tu vois, From Software, ils arrivent, c'est leur premier monde ouvert. Et ça cartonne. Et tu vois, quand même, bravo quoi, c'est pareil. Justement, parce que la formule Ubisoft a beaucoup dominé. Il y avait l'exception Breath of the Wild, mais globalement ça, voilà, et les jeux Rockstar avec Ubisoft, c'est ce qui a dominé. Et donc il y a eu un côté, ah ouais, on peut faire ça en fait, dans un open world, on peut ne rien me dire. Il y a eu cette, c'est pour ça qu'on le disait en fait, tu disais Benoît, attention, on vient de comparer à Ubisoft, ne crisez pas tout de suite, on va expliquer pourquoi, parce que ça a été beaucoup opposé en fait à Ubisoft. Fondamentalement, on l'a dit, c'est les mêmes idées, mais dans le ressenti, dans la topographie du monde, c'est ça qui fait toute la différence. Et on l'a mentionné, la gestion de la carte, et je reviens vite fait sur les notions de dézoom. Donc tu dis, tu dézoomes, et le jeu va, entre guillemets, t'imposer, si tu explores, certains dézooms, parce que t'as les coffres qui te téléportent, t'en as, je sais pas, 3 à 4, et il y en a un assez tôt, que tu peux trouver dans la zone du marais où il y a le dragon, qui t'emmène à Kaili directement, qui est une zone où t'as pas le niveau, t'arrives dans une mine, t'as des espèces de scolopendes géants, tu te fais défoncer, qui t'éclatent, et qui fait ça, qui d'autre t'emmène dans des zones où te force à être dans une zone où t'es à chier, tu peux pas te téléporter tant que t'as pas trouvé, je crois, l'autre t'es bloqué, tant que tu t'es pas échappé, tant que t'as pas, c'est peut-être un peu méchant, mais elle est toute petite en vrai, la mine, c'est juste que ça, tu peux y passer, mais tu peux y passer émotionnellement, ça c'est Dark Souls, tu vois, mais c'est des moments où on va, et tout le monde va s'en souvenir, ils viennent te chercher un petit peu comme ça, ils disent ah putain, vous m'avez fait ça, et tu t'en sors, en vrai tu cours comme un dératé et puis tu t'arrives à t'en tirer, mais ouais c'est vrai qu'ils ont, et t'as l'autre truc là, tu sais, dans la tour de guet là, le tour du retour dans la zone du sud qui t'emmène à Lendel pour la première fois, le truc que tu pensais voir peut-être à la toute fin du jeu, et c'est littéralement ça, parce qu'en fait tu vas la voir mais des dizaines d'heures plus tard, et là d'un coup tu surplombes, et ils sont malins parce que tu vois pas toute la ville, tu vois pas à quel point elle est grande et à quel point c'est majestueux, tu vois juste les couleurs, tu vois l'ambiance, tu vois que t'es à côté et tu peux pas faire grand chose en plus, et là tu ouvres la carte et tu regardes ton point et t'es là genre, tu sais, tu descends, tu sens, putain, il y a tout ça. Et tu vois que dans l'arbre, il y a une ouverture avec une porte. Oui, devant, tu vois la porte géante, mais t'aperçois pas très bien non plus. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils osent, tu vois. C'est vraiment, c'est le côté, ils osent faire ça avec leur monde. Et tu vois, c'est de se dire, ils ont une confiance en eux, tu vois, qui est un peu. Et en nous. Il y a un flex quand même, tu vois, regardez, on vous emmène jusqu'ici, on vous montre ce qui va arriver après. Et en plus, bim, la carte qui se dézoome devant tes yeux, tu dis, ah ouais, il y a tout ça, le jeu. Et je fais un petit coucou à une, je sais pas si elle nous écoute, mais Lise Sombre-Ciel, qui a publié juste sur internet, là elle joue Elden Ring en ce moment, et elle disait, il y avait un extrait sur Twitch, j'étais trop drôle, elle dit ouais, la carte elle est pas si grande et tout, parce qu'elle est bloquée, tu sais, au tout début, elle se fait téléporter, elle fait ah ouais, d'accord, et en fait elle a vécu en live ce qu'on est beaucoup à avoir vécu, de se dire ah putain, what. Et puis il y a un autre moment, évidemment, c'est celui du fameux ascenseur qui descend à la Siofra, où là bim, on réalise qu'il y a encore une map en dessous, alors qui est moins grande, mais là aussi, c'est le jeu. En fait, comme on est dans l'inconnu, comme on est dans la suggestion, il arrive à nous surprendre. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ce jeu-là un petit peu hypothétique. Tu te dis, mais jusqu'où on est, à quel point il est grand, etc. Et le jeu joue avec ça, et t'as l'impression qu'il le sait, et il se permet de jouer avec toi. Et ça, je trouve que, enfin, tu vois, c'est le moment où il y a cette complicité un peu avec les designers. Tu sais, le jeu vidéo, c'est un outil, finalement, c'est un truc, un médium pour communiquer. Ouais. Et là, tu sens qu'on est en train de se parler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est trop fort quand ça arrive, et ça fait du bien, quoi. Ouais, ce que je disais, c'est que t'es dans ton livre de fantasy, et tu découvres page après page l'aventure que t'es en train de vivre, alors que tu ouvres la carte d'un Assassin's Creed, il te gâche tout. Ouais, il te dit, il y a tout ça. Tu vois, genre, là, tu es dans la zone du niveau 5 au niveau 9. Ouais. Ensuite, il y a la zone à côté qui est de niveau 9 au niveau 14. Et alors, il te montre toute cette putain de carte. C'est vrai dans Elden Ring. C'est exactement la même chose. C'est niveau 80. Ouais. C'est pareil. C'est juste que on ne te le dit pas et tu ne le sais pas. Et c'est à toi d'aller découvrir ça. Et surtout que tu peux faire l'aventure comme tu veux. Exactement. Ouais. T'as vraiment, là, on est sur un monde où on va pas être loqué à certains endroits. Il y a vraiment. Je pense que la seule vraie porte à passer, c'est l'Endel, où il faut vraiment deux runes pour y arriver. Donc ça veut dire qu'il faut battre deux boss principaux, voilà, les enfants là. Mais par contre, tu fais ce que tu veux. Il y a Radahn, il y a Rickard, il y a Rennala, il y a Godric. Voilà, t'en as déjà quatre. Et tu peux peut-être même battre Mogwin avant. C'est peut-être possible. Tu peux peut-être avoir celui-là. Est-ce que tu peux faire Radahn et Mogwin? Je sais pas. Peut-être c'est possible. De toute façon, Mogwin, potentiellement, si tu joues en ligne, tu peux aller le voir assez tôt. Donc, Mog. Ouais. Non, mais en fait, c'est bon ça. Courage. C'est ça le truc, c'est que, en fait, il y a quand même une sorte d'ordre oui. un peu quand oui, même oui, logique. Oui, c'est-à-dire oui. que logiquement, la plupart des gens vont faire Voie l'Orage, vont faire Liurnia, et on va arriver à la capitale. Altus, voilà. Voilà. C'est, globalement, c'est ça. Mais tu n'es pas obligé. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, bah, moi, je me suis concentré sur Voie l'Orage, mais après ça, bah, j'ai beaucoup papillonné. Tu vois, je suis allé un peu à Calil, je suis allé un peu à Liurnia, après, je suis allé vers Caria, là, un peu plus. Mm-hmm. Ensuite, je suis descendu à la Siofrage, je suis revenu à Calil. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup papillonné avant d'avoir ma deuxième rune. Et puis surtout, pour rentrer dans la capitale, machin sentinelle qui est là. Qui oui, dit, oui, qui t'attend avec ouais, sa qui t'attend là. Et qui, bon, lui, il faut monter quelques levels avant de pouvoir s'y frotter. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est presque déstabilisant d'avoir autant de liberté parce que ouais. t'en as pas tellement l'habitude. On le dit, t'avais un peu ça dans Breath of the Wild qui te disait quand même, bon, voilà, t'as les quatre zones. Ça, c'était un jeu quand même un peu plus facile. Il y avait certains codes de couleur d'ennemis où tu comprends quand même un peu tôt qu'il y a des ennemis qui sont vénères. Mais là, le coup de la téléportation à Kaelid, moi, je me suis dit, je vais rentrer à cheval. Tu sais, je suis sorti de la mine et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais rentrer à cheval, je vais voir un peu ouais, ce que ouais, c'est pareil, le chemin. Ouais, t'as les marées putréfiées. En plus, tu sais, t'as les violons qui s'emballent et tout. Tu te dis, mais je suis où, enfin, espèce de gros From truc. Software, en plus, ouais, t'es vraiment à l'endroit où elle a explosé. Oui, et t'as les gros trucs qui te crachent de la Scarlet Rot autour d'eux, enfin, tu sais, qui sont énormes. T'en avais vu des tout petits. Parce que oui, t'avais vu les œufs, voilà. Là, t'as les versions œufs géants. On peut le noter aussi parce que c'est dans la zone. Donc, le coffre téléporteur, il est dans la zone des marées où t'as le dragon. Et en fait, t'as des petits comme ça qui font du poison. Et de l'autre côté du téléporteur, t'as les énormes. Donc, ah, allez, maman. T'as 9 chances sur 10 d'avoir déjà vu les petits, et là t'as ce truc, tu dis, mais je suis où? Et bref, moi je suis rentré à cheval, mais il y a ce côté, en fait tu dis, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? Et tu sais, le jeu, tu fais ce que tu veux en fait. Moi je t'ai amené là, ok, je t'ai forcé, mais après tu peux te téléporter si tu veux, tu peux rentrer à cheval, tu fais ce que tu veux quoi. Ouais, moi j'avais l'impression d'avoir eu le cheat code, tu sais, où j'étais tombé, du coup, j'avais discuté avec je sais plus qui m'avait parlé du coup de la. Comment il s'appelle? Tu sais, c'est le type qui a une armure de jumeaux, j'ai oublié son prénom, désolé, mais il te dit qu'il y a un téléporteur qui t'amène au temple là de Guran, je sais plus, enfin tu sais, tout en haut à droite là de Kaelid. Mm-hmm. Et moi je m'étais retrouvé dans cette zone avec l'énorme dragon et j'ai trouvé le fameux dragon là que tu peux tuer pour gagner plein de runes, mais tu vois, j'étais là genre putain, j'ai l'impression d'avoir triché, tu vois, d'avoir mais en fait non, c'est juste le jeu qui te permet ça, et t'aurais pu tomber dessus naturellement parce que le truc est là, c'est juste que tu sais s'il l'utilise, tu sais le chercher ou pas. Ce gros dragon qui est aussi au sommet d'un, tu sais, t'as des espèces de trampolines là que tu peux prendre à cheval, et tu prends le trampoline et t'arrives, boum, t'as l'énorme dragon et tout, qui hurle avec les petits trucs, tu fais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais enfin, et c'est là que tu vois, artistiquement, ludiquement, ils arrivent à créer, ils arrivent à nous chercher, tu vois, nous provoquer des émotions que pas beaucoup de jeux arrivent à nous donner. Et l'arrivée à Kaelid, tu vois, enfin, il y a quelque chose de magique. Oui, c'est l'enfer, mais c'est un enfer vidéoludique, et tu as vraiment fier, enfin, nope, tu sais, vraiment, et on ne revient pas tout de suite. Mais en plus, tout est fait pour te dire ça, parce que comme tu disais, t'arrives, donc tu vois le corbeau, les chiens, les machins, tu sais, t'as une espèce de procession de gars rouges là, qui sont la Scarlet Rot, t'as des omblards qui sont en train de marcher, il y en a genre 30, t'es là genre. Et ça aussi, il y a eu des mèmes. Moi, les blagues où, tu sais, les gens, ils prenaient des noms de villages, tu sais, en Angleterre, ou tu sais, dans l'Indiana, genre Gary, tu vois, ils mettaient, donc, à la place de Khalid, ils mettaient ça. Enfin, je trouve que, en fait, tu vois, quand il y a des choses qui naissent comme ça, ça veut dire qu'on partage, tu vois, il y a quelque chose qu'on a partagé. Et j'aime bien, tu vois, dire que le jeu vidéo, bah, c'est ça, c'est une œuvre culturelle, donc c'est un socle culturel, c'est un truc qui nous permet de partager des émotions. Et voilà, on a tous vécu ce truc-là. C'est quoi. Des endroits qu'on connaît, c'est ça, tous ces mèmes, tous ces petits moments, en fait, de jeux vidéo. On les a vécus chacun de notre côté ou ensemble si vous jouez en coop, mais c'est des choses qu'on peut partager et c'est des choses que le jeu nous a laissé profiter et expérimenter par nous-mêmes au lieu de nous le resservir, tu vois, de nous le régurgiter dans la gorge directement. Et ça, c'est là la grosse nuance. Enfin, vraiment, pour moi, toute la différence de philosophie entre From Software et le reste des studios AAA, il se joue à juste ça. Et donc le jeu, donc on l'a dit, pour susciter la curiosité, bah voilà, il a une carte qui va pas afficher grand-chose. Mm-hmm. C'est vraiment les panoramas qui vont nous pousser dans une des directions, mais donc il nous impose aussi l'exploration avec des téléporteurs, ou aussi je note donc Margit, qui est logiquement entre guillemets le premier boss en général qu'on va faire, hein, c'est pas obligé, mais c'est le parcours c'est assez classique. C'est le premier gros boss en fait, c'est le premier gros boss, annexes, mais qui est un boss que je trouve vraiment dur, je trouve que sa phase 2, il a des patterns qui sont ultra chaud, et moi mon interprétation de ça, c'est qu'ils ont mis un gigapic de difficulté pour te pousser justement à te dire ok, c'est trop tôt, c'est pas le moment, je vais me casser. Et moi j'ai vécu ça, j'ai été à Margit, j'avais exploré un peu Nécrolin mais pas plus que ça, et j'y étais, et j'ai eu le sentiment, après tu vois peut-être 5-10 essais où vraiment je me faisais éclater, je faisais bon c'est pas le moment, j'ai le sentiment d'avoir compris le jeu en fait quand je suis parti de Voie l'Orage, et que j'ai dit ok, je vais explorer un peu, je vais partir, je vais fermer, je vais prendre du plaisir, et je me suis dit ah ok, c'est ça en fait qu'ils veulent que je fasse, ils veulent que j'explore ça parce que je suis pas encore assez fort. Ouais, ouais, bah le jeu en fait te suggère assez rapidement que tu peux te balader partout. Il va réussir, comme on dit, à attirer ton œil par des paysages incroyables, etc. Et il y a effectivement ces petits pics de difficulté. Alors, c'est à double tranchant parce que du coup, bah, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça rend les boss un peu moins marquants. C'est plus ces marqueurs de progression comme on avait dans les Souls où avant c'était des goulots. Hein. T'étais vraiment bloqué. Tant que tu battais pas le boss, tu ne pouvais pas voir ce qui se passait après. Alors que là, avant d'aller voir Margit, tu peux passer et 50 heures et vrai, te balader, tu peux aller partout, tu peux skipper, ouais, tu peux le contourner, et tu peux ne jamais trouver le battre. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de boss obligatoire. Et quasiment tous les niveaux, on en a parlé dans la préparation, presque tous les endroits, tu peux y aller de plusieurs manières différentes. Tu vois, moi je m'étais retrouvé dans le volcan, je m'étais fait, donc j'avais fait la quête de Patches, et donc il m'avait dit qu'il y avait une vieille arme qui te permettait de te téléporter directement dans le volcan. Et une fois arrivé dans ce lieu-là, j'étais là, putain, mais je vais y rester. Et j'ai insisté jusqu'à réussir à tuer les deux. Parce que tu sais, en fait, quand tu redescends, t'as un boss. Donc, soit tu peux aller faire directement le Godskin, là, le Sanctuaire, soit tu peux faire deux vierges de fer, là. Ouais, et en fait, machines, là. Et derrière, il y a un trou, et pouf, t'es dans Altus. Ouais. Et tu te retrouves dans Altus, alors que normalement, t'es pas du tout censé être là à ce moment-là. Et moi, je me suis retrouvé là. J'ai eu vraiment un moment de panique. Genre, je prends un site de grâce et je refais le jeu dans l'ordre normal parce que là je sens que j'ai cassé le truc. On l'a tous eu, tu vois, on a tous eu ce moment-là où on est arrivé de dire attends, là il y a trop. Et puis la carte qui se dévoile devant tes yeux, tu fais, enfin, il y a un moment où le jeu il est overwhelming et tu vois, tu sens qu'ils veulent ils veulent te submerger devant cet état et dire waouh, mais qu'est-ce que c'est que c'est grand quand même cette histoire. Il y a beaucoup de choses et le jeu il arrête pas de mettre des tartes, il s'arrête jamais. Bah, il y a un des moments les plus iconiques du jeu qui est l'arrivée à Liurnia, une fois que t'as battu Godric. Je sais jamais. Une fois que t'as battu Godric, bah t'arrives voilà face à cette grande étendue et t'as, comme je l'ai dit, t'as au milieu, t'as la cuvette, t'as deux falaises sur les côtés, t'as plein de points d'intérêt partout. Et vraiment, tu t'en prends plein la gueule. Et moi, j'ai fait demi-tour. Il y a le petit site de grâce. J'ai fait, non, mais attendez, j'ai encore plein de trucs à faire, Necron. Enfin, tu sais, ta checklist, elle a quintuplé, tu vois. Voilà, ton intérêt, ta curiosité. Tu fais, attendez, je suis pas encore là à ce moment. Et en plus, ce moment, il le prépare bien, tu vois. Je trouve ça intéressant de noter. C'est que la zone de voilerage, donc quand tu te rapproches du château, il y a plein de nuages de poussière. Tu vois de moins en moins loin. Tu finis par deviner un peu les bâtiments de loin. Ensuite, t'as voilerage. Donc là, c'est un donjon, c'est un legacy dungeon, tu vas pas voir grand chose de loin et boum, ils te foutent ce panorama. En fait, tu t'en rendais pas compte, mais ça faisait peut-être 2-5 heures que tu t'avais pas vu à plus de 100 mètres de loin, et là ils t'affichent, mais si t'arrives en pleine journée, mais tu vois même l'académie qui est tout au fond, qui est à plusieurs kilomètres. Alors j'ai remarqué que le jeu fait exprès, même si t'arrives quand il pleut, si t'attends quelques secondes, il s'arrête de pleuvoir systématiquement pour que tu aies le bon panorama avec les bonnes couleurs et le bon moment. Mais c'est ça qui est fort, ils savent en fait, ils savent qu'ils vont flex, donc ils y vont, tu vois, et je pense que c'est ça aussi où le jeu vraiment très fort, c'est ce côté nous donner l'impression d'être dans un monde inconnu, magique, dark fantasy. Et ouais, moi je me souviens quand je suis arrivé à Altus, quoi, tu vois, ces grandes, tu vois, cette grande capitale, avant d'arriver à la capitale où t'as des remparts, t'as des escaliers qui font des mètres et des mètres, où tu te dis, mais il y a des foules qui pourraient circuler. Je trouve qu'en termes d'échelle, ils ont pété des câbles, tu vois, genre vraiment, t'as des endroits, c'est gigantesque, quoi. Quand t'arrives à l'ascenseur là, et t'as les deux énormes statues là avec les deux sentinelles, et t'es là, genre, j'avais l'impression, tu vois, je trouve qu'il y a que des œuvres littéraires. Je me souviens d'un passage dans Gagner la guerre où à un moment il décrit comme ça une grande cité méditerranéenne, et tu sais, j'avais eu des, moi je me dis waouh, c'est grandiose, quoi. Et je trouve qu'Elden Ring, en étant dedans, bah, il m'a donné des moments grandioses comme ça, alors qu'en fait tu dis, mais tous les open world devraient nous donner ça, et en fait non, c'est tous les open world qui nous donnent ça, quoi. Et c'est là où ils ont vraiment tapé tellement fort dans la fourmilière, parce que ben moi personnellement je les attendais pas à ce niveau là en fait, mais en final, comme on l'a dit, ce qu'ils ont fait, c'est que ils savaient déjà le faire à une petite échelle, et ils ont juste fait entre guillemets la même chose à une échelle macro comme on l'avait jamais vu jusqu'à présent, et ça donne un truc mais qui est incroyable. Enfin, c'est un ride vraiment unique, parce que moi je me dis, bah, effectivement, tu vois, à part dans des jeux de rôle, quand tu t'imagines des trucs dans ta tête, quand t'es vraiment autour d'un audionisable avec tes potes, ta pizza, ta bière, tes dés, machin, mais là ils te le donnent, quoi. Et là ils te le montrent, et en plus esthétiquement c'est des choses que t'avais envie de voir, tu vois, ce château, enfin Liurnia, mais qu'est-ce qu'il est beau ce château, enfin vraiment ce paysage il est incroyable. Et Lendel, moi c'est comme tu l'as dit, c'est mon niveau préféré ever. Je trouve que cette ville elle est magnifique, et j'étais déçu entre guillemets que ça soit pas la fin du jeu, parce que je m'attendais à ce que ça soit la conclusion incroyable du jeu, tu vois. On en reparle, mais moi tu vois là je repense à ce qu'on avait dit, Miyazaki qui dit les graphismes c'est pas si important, et c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué. Ouais, c'est ça, et parce qu'artistiquement. Et c'est ça, et en relançant un peu le jeu, en voyant des vidéos sur YouTube, en fait, je me rends pas compte de tout ce que j'ai oublié, ou juste, je l'ai pas vu sous cet angle-là, et en fait, c'est super beau aussi, et c'est ça, c'est ces claques que le jeu te met. Il y a plein de trucs, enfin, tu sais, à Siofra, j'avais battu le, tu sais, le cerf, là, et donc j'étais resté, parce que je me suis dit, il y a que ça, enfin, tu vois, genre, c'est bizarre, le cerf, il est tout petit dans une arène qui est gigantesque, que j'ai dû rater une connerie, donc je me rebalade à l'extérieur, et là, je lève les yeux parce que je voyais le ciel étoilé, je me dis, ah putain, c'est joli, je vais faire une photo, et je vois le palais de Mog, et tu vois un type, tu sais, qui pointe le doigt, tu sais, il y a un chevalier du crucible, c'est quoi, du creuset, qui attend, en fait, et qui regarde, et tu dis, ah putain, mais il y a une espèce de temple, tu sais, on dirait un temple grec, le temple de Parthénon, je dis, mais je vais aller là-bas un jour, mais c'est trop bien, quoi. Bien sûr, tu vas y aller, parce que c'est ça, From the Dark, c'est ça qui est génial, te dire, et c'est vrai que, bah, t'as eu une aventure, il y a un souffle, en fait, de l'aventure que, ouais, peu de jeux, enfin, ça faisait longtemps que moi j'avais pas ressenti ça, et il y a des choses que vraiment, moi, le truc, l'arrivée à Altus et quelques arrivées que je n'avais jamais vécues dans un jeu vidéo. Hein. Et je trouve que l'open world apporte quelque chose, enfin, renforce quelque chose qu'il faisait déjà, c'était ce sentiment de donner, bon, parce qu'il crée en général toujours des écoles, des factions, des conflits qu'il y a eu, des gens qui appartiennent à quelque chose, qu'on comprend donc en lisant les descriptions, en trouvant certains équipements à certains endroits, en trouvant certains objets, en certaines personnes. Et là, l'open world, bah, il y a quelque chose qui fait que c'est plus marqué, je trouve, on sent que ça donne plus de corps à ça. Tu vois, Liurnia, tu disais, il y avait des combats entre les magiciens et les soldats, tu les vois, ces putains de combats, tu vois magiciens, tu vois des soldats qui maîtrisent la magie, en tout cas les cailloux, des cailloux que tu vas trouver dans les mines, que tu vas trouver ailleurs, que, tu sais, dans l'espèce de cuvette au milieu, bah t'en as plein, des pierres comme ça, magiques, et il y a des cristaux. Bah, voilà, comme j'ai dit, il y avait déjà ça, avant, tu vois, dans Bloodborne, va y avoir, je sais pas, l'école de je sais plus qui, bah tu vas retrouver les objets en lien. Dark Souls 3 le faisait, je sais pas si tu te souviens, tu viens de battre le nécromancien là, le gros squelette, tu sais, Molly, je sais pas comment il s'appelle, le gros squelette. Donc tu étais dans des catacombes depuis une infinité de temps et pouf, tu sors et tu vois Norlondo, quoi. Enfin, désolé pour le spoil, mais ça va maintenant, il y a prescription, et tu vois cette grande cité, et c'est le même délire qu'ils ont reproduit dans Elden Ring, mais quasiment partout en fait. Et avant, c'était beaucoup plus resserré, donc il y avait un côté t'acceptes un peu, tu vois, c'est parce que on te dit tel pays, tu dis mais je viens de faire 3 mètres, j'ai passé la frontière, c'est un peu bizarre, et c'est aussi le cas techniquement à Elden Ring, mais ça multiplie beaucoup plus, ça crédibilise ça, et je trouve qu'il y a quand même un accomplissement de quelque chose. Alors j'ai pas joué à Demon's Souls, mais de ce qu'ils voulaient déjà faire avec le premier Dark Souls, où il y avait certains endroits, tu voyais concrètement les endroits au loin, les choses, et là, bah oui, vraiment, et tu peux y aller sans tension. L'arrivée à Altus, c'est enfin, parce qu'on l'a pas peut-être pas redit, mais FromSoftware, c'est un peu les experts de l'autocitation, c'est l'arrivée à Norlondo dans Dark Souls 1. T'as une falaise avec une cité royale. Lendel, si c'est pas à Norlondo, c'est littéralement à Norlondo. Mais tout le plateau d'Altus, tu vois, c'est vraiment cette espèce de zone qui domine le reste du monde. Et c'était ça, en fait, qui voulait nous faire ressentir. Et comme tu l'as dit, Demon's Souls, il y avait déjà ce sentiment-là. On imaginait des trucs. Et depuis toujours, je pense que Elden Ring, c'est le jeu qu'ils avaient envie de faire. Mais bah, peut-être qu'on peut, oui, on peut avancer un peu là-dessus. C'est vrai que, en fait, justement, passer Lendel, le jeu commence à souffler un petit peu. Les deux dernières grosses zones, parce qu'en fait, t'arrives à Lendel, en fait, t'arrives enfin à l'arbre, on te dit, en fait, non, frère, il faut brûler l'arbre, le briquet, en fait, il est ailleurs. Et voilà, c'est ça, j'ai perdu mon briquet, il est là-bas. Je l'ai laissé dans la soupière, exactement, à côté des géants. Et donc, il y a toute une zone enneigée qui est vraiment moins intéressante, esthétiquement, même en termes de navigation, je la trouve beaucoup moins intéressante. Donc, il y a ça à faire. Ensuite, t'arrives au briquet. En fait, le briquet, il dit, ah non, en fait, pour allumer le briquet, il faut aller, dans Dark Souls 3. Là, il y a un DLC qui est là-bas, c'est Farum Azula. Ouais, tu sais pas. Enfin, vraiment, avec le recul, moi, c'est littéralement un DLC. Enfin, il fait même pas partie du monde ouvert. C'est un donjon qui est paumé quelque part, au milieu d'une vois. Tornade. Et t'es là, t'es. Vraiment une zone qui est. Pour moi, c'est vraiment du remplissage, quoi. Je dis pas que la zone, elle est mauvaise en tant que telle. C'est juste que, je la trouve pas incroyable, mais. C'est du supplément. Et puis le remplissage des ennemis, des hommes bêtes, c'est long. Voilà, tu commences à sentir. Et puis entre mes la sentinelle qu'on avait devant Lendel était là. C'est bon, j'ai déjà battu. En fait, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là, ça y est, tu vois le recyclage, tu vois le truc. Il y a il faut faire les zones pour pouvoir terminer le jeu, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve que il y a un dernier tiers qui est où là j'en avais marre en fait, alors que le jeu il était incroyable jusqu'ici, quoi. En fait, l'open world il s'essouffle vraiment sur plusieurs points. Donc le premier, on l'a dit, il y a vraiment trop de recyclage. Autant on l'a dit, tu vois, la réutilisation de certaines choses, c'est bon pour les économies qui sont réalisées ailleurs. Mais là, on l'a dit, c'est que ça va servir un surplus de contenu. En tout cas, on trouve que la zone de glace, voilà, était vraiment pas nécessaire. Farum Azula, c'est pas forcément. En fait, il y avait pas besoin. En fait, t'es épuisé. En fait, il y a un moment à la fin, parce qu'on l'a dit, il y a une systématisation des catacombes, des camps d'ennemis, des machins. T'en as déjà fait beaucoup. Une réutilisation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de boss. Les dragons, c'était génial. Les premiers, tu vois, le premier combat incroyable, le deuxième, je dis ok, et après, vraiment le, ouais, on a eu vraiment la même impression avec Hugo. En tout cas, c'était les deux premiers ok, et après, mais t'en as 6, 7, et tu sais, tu fais juste, bah c'est un reskin, enfin c'est stop. Et... J'ai eu une surprise avec un des dragons de Leyndell, enfin non, de Daltus, tu sais, oui, là, un de ceux qui utilisent la foudre. Pour le coup, c'est pas le même modèle que ceux d'habitude. Mais quand j'ai vu un énième dragon qui m'attend sur le pont là à côté du temple de Gurang, t'es là, en fait, des dragons, je vais en faire plein quoi. Les avatars de l'arbre monde, les verbes de fœtus, voilà. Je les déteste. Mais plus, c'est pas les plus réussis en termes de design. Et certains boss, tu dis Astel, ils le remettent dans une caverne random de la zone. J'étais vraiment choqué. Tu vois, c'est là, mais vous avez pas besoin de faire ça. Tu sens qu'il y a peut-être aussi. C'est pour ça qu'on dit que le studio il est all-in aussi, parce que tu te dis, ils ont eu peur. Le studio From Software, je sais pas. C'est ça, si, moi j'en suis persuadé. Moi je suis convaincu que From Software, c'est ma théorie, ils ont peur, en fait, ils ont eu peur de se planter. C'est-à-dire que, même, tu vois, même ils devaient avoir des retours de ouf en interne, ils devaient savoir qu'ils étaient en train de faire un jeu de malade, mais ils avaient quand même la flip et ils se sont dit, on va en remettre, on va en rajouter, voilà, j'ai prévu un autre truc. Tu sais, c'est comme ta grand-mère à Noël qui a prévu les 22 plats. C'est trop bon, tu manges super bien. T'as peur, mais il y a pas assez à manger. Il y avait pas assez à manger, t'en manges pas, t'en manges pas 3 jours. Bah ouais, voilà, c'est ça, il y a des restes après et t'en peux plus, quoi. Mais c'était la même chose avec Witcher 3, je crois, c'est des projets justement. C'est la première fois qu'ils faisaient, ils avaient déjà ouvert avec le 2, hein, mais c'est la première fois qu'ils faisaient un gros open world. Et en fait, pareil, ils ont fait « Oups, on a peut-être un peu forcé sur la quantité. » Et en fait, c'est vrai, moi, c'est surtout que je me disais, le truc, c'est que concrètement, s'ils s'arrêtent à Leyndell, tu vois, et je sais pas, tu vois un enchaînement. Les zones, les zones optionnelles de Malenia, le manoir. Voilà, éventuellement, tu vois. Mais il y a personne qui aurait dit, le jeu, il est court. Personne qui aurait dit, il manque. Il y a personne qui serait dit, en fait, moi, vraiment, j'ai le sentiment, il y a trop les refs. Enfin, moi, j'ai pas tout fait dans Elden Ring. Et honnêtement, je m'étais dit, en sortant, j'ai fini Elden Ring, donc en un peu plus de 60 heures de jeu, je me suis dit, j'y reviendrai. En fait, je suis pas revenu parce que j'étais là, genre, en fait, j'ai quand même ma dose, tu vois, j'ai eu double dose dans un jeu, quoi. Il y a une côté saturation en fait. Là pour le coup, tu vois, on peut parler de contenu gargantuesque vraiment dans le sens rablé du terme, quoi. C'est on mange, on en peut plus. Alors que en termes d'intensité narrative, l'arrivée à Leyndell, pour moi, c'est le climax. Ça y est, tu arrives à l'arbre, ça y est, c'est le truc promis depuis pour le début. Pour lequel tu as travaillé jusqu'ici. Non, faut que tu ailles chercher le briquet. Et t'es là, arrêtez avec votre histoire là. Et malgré un open world aussi grand, comme tu l'as déjà mentionné, ils te foutent une espèce de rap de boss à la fin où tu vas en enchaîner 3, 4, 5, 6. Et tu sais, tu dis, bah, jusque-là, moi j'aimais bien le fait d'avoir une zone et son boss globalement correspondant, tu vois, et pourquoi pas tu m'en mets un deuxième là, ou des même les mini-boss, je peux comprendre, tu vois, mais tu vas enchaîner, c'est quoi, t'as Gideon, t'as Godric Fantôme. Donc, Farum Azula, donc tu as le duo Sentinelle. Tu bats le géant déjà. Oui, t'as le géant qui t'emmène, donc tu fais Farum Azula. Oui, Farum Azula entre le géant, moi je parle vraiment de l'enchaînement. Donc c'est la Sentinelle, ensuite t'as la version cléricale de Malikès en lui-même, t'es téléporté, il y a machin l'omniscient, ensuite il y a la première forme de Godfrey, ensuite Oharalu, Radagon, Elden Beast, t'as 8 boss, c'est un fucking boss rush quoi. Et tu dis, dans un open world, pourtant justement c'est la structure parfaite pour un peu espacer ça, donner du sens aux emplacements, et là t'enchaînes. En fait c'est paradoxal, t'as un climax, t'arrives à un truc super cool, et ensuite on s'étend, et après t'as un rush à la fin, tu sais, il y a un problème de rythme en fait, il y a un côté genre, on traîne, et à la fin c'est alors qu'il y a certains gros boss que vous avez réutilisés. On l'a dit, tu vois, Astel il est deux fois, l'espèce de d'élan chaman là il est deux fois, il y a le loup de, tu sais, qui a les cheveux rouges là, on croise plein de fois, c'est un trash mob au bout d'un moment, ouais voilà c'est ça, et où t'as même Léonine, parce que je parle vraiment de deux différents, t'as donc Léonine de la base du sud, et t'as tu sais, dans l'académie de magie il y a un chien rouge, donc ces deux là. Et comme tu as dit, c'est des mobs. En fait, à la place de ces mobs-là, vous mettez un des boss du rush de fin, tu vois. Enfin, il y avait une distribution à refaire. Et tu vois, moi, je peux pas me dire que Oharalu, c'est un boss qui m'a marqué, parce que c'est un foutu boss que j'ai dû tuer dans un rush de fin où j'en pouvais plus. Tu vois, j'étais à 60, 70 heures. Non, j'étais à une cinquantaine d'heures, mais même pour moi, c'est beaucoup. Je veux dire, d'habitude, les souls, je les finis en 20 heures. Donc, c'était trop. J'en avais marre, en fait. Tu vois, j'ai enchaîné. Et là, je fais Radagon et je fais, ah, ok, ça y est, c'est la fin. Ah non! Il y a le Elden Beast derrière, c'est là. Au moins dans Bloodborne, il l'avait caché, ce boss-là. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est, il y avait un côté genre, il y a la vraie fin, et j'aurais pu, si j'avais débloqué les bonnes conditions, j'aurais pu choper la Elden Ring. Enfin, il y avait une façon de faire différemment, et je pense que ça trahit une certaine peur, une certaine crainte du studio de ne pas avoir suffisamment, tu vois, maîtrisé leur truc, quoi. Et à ça, on pourra répondre, tu vois, sur le côté. Enfin, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un côté assez épuisant quand tu fais tout, et on pourrait dire oui, mais c'est optionnel, t'avais pas besoin de le faire. D'accord, mais comme on l'a dit, c'est qu'ils ont quand même suscité cette curiosité. Il y a des moments incroyables dans le jeu, tu vois, Noxtella, où tu t'enfonces, tu prends le cercueil, t'as les trucs, enfin il y a encore, tu veux voir, c'est vrai que cette zone elle est longue, tu veux voir ces panoramas, ces trucs où il y a quelques petits trucs cool, tu vois, dans les catacombes, il y en a un moment, ils ont un gimmick qui est trop bien, où t'arrives, tu crois que t'es revenu sur tes pas, parce que c'est exactement la même salle, et en fait non, c'est un doublon à un autre étage, et t'es très confus, en fait, tu comprends pas trop parce qu'il y a des petites différences où quand vraiment tu reviens sur tes pas, tu dis bah non, en fait, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, ils savent faire des choses qui vont nous surprendre, qui vont nous étonner. Donc, t'as quand même envie à chaque fois de leur donner leur chance, mais il y a beaucoup de déceptions à la fin. Plus tu joues, plus il y a de déceptions. L'équilibrage est pas fait pour que tu fasses pas tout. C'est-à-dire que c'est ça où on disait, il n'y a pas de truc principal. Alors, pas tout quand non, même. Non, pas tout, bien sûr. Mais t'es quand même obligé de faire un minimum, et je trouve que ce minimum est déjà, en fait, est déjà beaucoup. Moi, je considère que j'ai fait le minimum parce que j'ai battu le boss final au niveau 100, tu vois, et en fait il y a plein de trucs que j'ai pas fait, et honnêtement j'avais déjà eu l'impression d'avoir déjà fait beaucoup, tout bête, mais tous les matériaux dont t'as besoin pour améliorer tes armes, ben ils sont dans les mines, tu vas difficilement en trouver suffisamment si tu ne fais que les niveaux principaux. Il faut que t'ailles visiter des mines à un moment si tu veux utiliser les cendres et les esprits, et que tu veux les améliorer, t'as besoin de muguer, il faut que t'ailles dans des catacombes. Et juste, moi, tu vois, moi je jouais sans invocation, mais collecter mes petites cartes Yu-Gi-Oh, j'aimais bien, tu vois, savoir un peu ce que tu pouvais invoquer, donc moi j'aimais bien me faire mon deck, tu vois, au cas où, donc il y avait aussi ça Donc voilà, un open world qui est peut-être un peu trop gargantuesque pour lui-même. Alors c'est vrai que c'est une critique. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont du mal à entendre cette critique-là, parce que c'est toujours mieux quand il y a plus de contenu. Mais je considère vraiment, tu vois, que non, mais c'est vraiment, tu vois, même en termes d'équilibre, tu vois, pour une œuvre, moi mes livres préférés, mes séries préférées, tu vois, quand il y a deux saisons de trop, ça me saoule, en fait. Je me dis c'est dommage, en fait, parce qu'on nuit à quelque chose qui était déjà. Coucou Game of Thrones. Non mais ouais, tu vois, mais genre The Wire, c'est ma série de la vie, mais je trouve que la dernière, tu vois. Ouais, la saison 6 elle est pas saison, c'est 5 mais, oui, c'est mais 5 tu même, dis bah, c'est dommage, tu vois, et tu dis bah là on avait quelque chose qui était merveilleux, si on s'arrêtait à l'Endel, franchement j'aurais rien à redire au jeu, mais non, vous avez donné un petit peu trop. Mais bref, ça donne quand même un monde ouvert, voilà, on s'attarde un petit peu là-dessus, mais quand même si jamais vous avez des doutes, revenez 10 minutes en arrière, on dit que c'est génial, n'oubliez pas. En fait, pourquoi on dit ça, c'est parce que ça veut dire aussi qu'ils en ont encore sous le pied et que c'est que leur premier, donc le résultat est déjà ouf, alors que c'est leur premier, donc ça veut dire que quand ils vont commencer à pouvoir se pencher dessus et ne plus avoir cette peur, parce qu'en fait, maintenant, ça y est, Elden Ring, c'est bon, c'est légitime, ils ont le droit de faire des jeux comme ça, ils ont le droit de s'asseoir à la table des grands. Mais tu vois, si c'est le standard, ça, le contenu, tu vois, si les gens, la prochaine fois, c'est la peur, tu vois, c'est dire, est-ce qu'il faut faire autant la prochaine fois ? Moi, j'ai pas... Mais peut-être qu'ils peuvent faire, entre guillemets, autant, mais tu vois, mieux le rythmer, comme on l'a dit, mieux distribuer, moins de reproduction, moins de doublons, moins de triples ou quadruplons, etc. De protation, je pense pas qu'ils peuvent sortir ça genre tous les deux ans. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais je pense que là, c'est bon avec les retours. Effectivement, alors oui, il y a eu un retour critique formidable, mais les défauts qui ont été soulevés, globalement, ça a été ça. Et j'en suis persuadé, ils le savent. Oui, et on l'avait dit, tu vois, pour refaire un autre parallèle avec CD Projekt, tu vois, ils avaient quand même retenu en faisant Cyberpunk 2077 que The Witcher 3 c'était très long et ils avaient prévu de faire un jeu qui dure une petite vingtaine d'heures, et c'est très bien, personne leur a reproché ça. Bon, parce qu'il y a eu d'autres problèmes, mais il y a quand même eu cette chose a pris, alors que Witcher 3 a mis aussi beaucoup de gens d'accord. Oui. Ah, c'était 70 heures et il nous faisait le même coup. Exactement. Hein. Le même coup du climax. Tu terminais le climax et en fait, il y a encore 10 heures. Il reste 20 heures. Prends ça dans ta tronche. Mais voilà, bon, bref. En tout cas, quand même, une grosse réussite sur l'open world qui a convaincu beaucoup de monde. Mais on voulait s'attarder sur un dernier point quand même sur Elden Ring, c'est pourquoi ça a permis à beaucoup plus de gens d'entrer. C'est que là, Il y a quand même plusieurs efforts qui ont été faits pour rendre l'expérience plus abordable qu'elle ne l'était avant. Alors déjà, il y a ce truc de liberté, en fait. Tu sais, on parlait, tu donnais ton expérience avec Margit. En fait, ce côté-là de dire, il y a plus de blocage maintenant dans le jeu. C'est-à-dire, il y a plus ces murs infranchissables. Il y en a quelques-uns, mais en fait, le problème, c'est quand t'es devant un mur, tu peux dire, je peux revenir dans 20 heures dans ce mur. Et t'as tellement de choses à faire, tellement d'options, qu'il y a plus à farmer. Il y a juste à explorer. Et ça, en fait, ça chamboule le rapport, quoi. L'opposition à faire, c'est Dark Souls 3 où t'avais le tuto et un boss qui est comme si c'est ton premier Souls. Je pense que plein de gens ont découvert les Souls avec Dark Souls 3 parce qu'on l'a dit, une grosse campagne com et tout, c'était un peu l'occasion pour plein de gens de se dire ah tiens, les Souls, tout le monde en parle, je vais y jouer. Bon, bah ce boss là, non, tout le monde n'y arrive pas. Bah, et si t'y arrives pas, t'es bloqué. Va te faire foutre. Et tu peux pas avancer. Petite anecdote, du coup, cette fameuse preview de Dark Souls 3 là qu'on avait fait en Allemagne, il y avait un journaliste, je sais plus d'où il est, on s'en fout, mais tu vois, on avait, je crois, 4 ou 5 heures de session de jeu. À la fin, il était toujours sur Gundyr. Que moi j'avais presque fini le jeu, tu vois. Enfin, j'exagère, mais j'avais fini la preview depuis longtemps parce que j'avais fait tous les boss. Je crois que t'allais jusqu'à l'arbre ou enfin tu vois. J'étais en train de refaire la preview en entier avec un autre type de build pour tester d'autres trucs. Et lui, il était toujours en train de galérer. Et il s'acharnait, le pauvre, parce qu'il se disait, ben, qu'est-ce que je vais dire? J'ai fait 20 mètres. Tu vois, j'ai fait le cimetière, j'ai fait 20 mètres et boum, il y a Gundyr. Et lui, il bloquait dessus. Et c'est pas forcément pour jeter une grosse pierre à Dark Souls 3, parce qu'il y a un côté, le jeu va être comme ça. Même si t'auras plus de marge de manœuvre après le premier boss, et c'est peut-être un peu dommage que t'en aies pas autant à ce début-là. Mais là, effectivement, il y a eu un parti pris différent avec Elden Ring qui va se dire, bah, si t'arrives pas le boss, eh ben, c'est pas grave, tu peux partir farmer. Ce qui était toujours possible avant, alors pas dans le boss du tuto, mais là il y a vraiment ce sentiment d'exploration et toutes ces possibilités qui s'offrent à toi. Et ça change forcément, enfin, c'est pour ça que bien plus de monde peuvent rentrer dedans, parce que tu ne vas pas être bloqué, tu vas prendre la claque, mais juste que cette claque, elle te dit pars, tu vois. C'est pas juste qu'elle reste devant toi et juste bah, tu vas en reprendre une, les grosses baffes. C'est pas un mur, Non, c'est ça, il n'y a pas ce truc-là. Il y a plein d'autres choses, et surtout quand tu te retournes et que tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté du mur, tout est sympa. Super beau où tu vas découvrir des choses, tu vas avoir des souvenirs, tu vas te faire des trucs. Comme je l'avais expliqué moi dans ma critique du jeu, le fait de donner une barre de vie géante à n'importe quel trash mob et d'en faire un boss, ça donne ce sentiment de progression aux gens qui débutent, tu vois, ils se disent j'ai vaincu un boss. Toi, quand tu joues beaucoup au jeu, t'es là, j'ai fait un trash qui avait une grosse barre de vie. Pour quelqu'un qui débute, ça permet de donner confiance et de te rassurer, tu vois, dans ta D'ailleurs, démarche. Même à la fin du tuto, parce qu'on peut le dire, c'est vrai qu'il y a un tuto petit peu à la Sekiro qui est optionnel. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce débat des gens qui sautaient pas dans le trou pour aller vers le tuto. Mais à la fin du tuto, t'as un soldat qui est un soldat. Hein, un soldat. Oui. Il a une barre de vie. Oui, il a une barre de vie de boss. Tu lui enlèves. Tu viens d'apprendre la parade, c'est ça, le stun. Et après, tu quasiment le one shot. Mais en fait, ils ont effectivement eu envie de faire de ce truc-là. Genre, on va te donner la récompense, le sentiment d'accomplissement. Ils ont baissé la barre, tu vois, vraiment. J'ai pas envie de paraître élitiste, mais on est vraiment au ras du sol parce que c'est un ennemi de base. Mais ils ont eu envie de te donner ce sentiment-là. Et aussi, j'avais parlé de Margit, qui était un mur de difficulté qui peut te faire comprendre que tu peux le contourner, enfin, en tout cas partir et revenir plus tard. C'est quelque chose auquel ils t'initient déjà, en fait, dès le début, parce que tu ouvres la porte, on l'a dit, t'as le panorama et tout, et t'as une sentinelle de l'arbre. Oui. C'est vrai qu'il y a la sentinelle que tu ne pourras pas battre, hein, clairement. Quand tu sors de là, c'est beaucoup trop tôt pour toi. Si t'as pas torrent, c'est compliqué. Les dégâts que tu lui fais, tu t'en prends plein la gueule. C'est mort. Et tous les gens qui auront testé diront ok, celui-là, il fait des petites rondes. On va le laisser tranquille. Voilà, il fait des rondes, donc il y a des moments. Il va loin, il va le dos tourner, donc tu comprends que tu vas contourner. Donc t'as déjà été un petit peu initié à ce principe. Moi, ça me fait penser à Skyrim où t'avais un géant très tôt, en fait, à côté d'une des premières villes. Et bah, tu comprends que oui, tu vas les laisser tranquille un petit moment, les gens. Mais ce qui est bien, c'est que justement, tu vas pouvoir papillonner, tu vas pouvoir revenir. Moi, je sais que la Sentinelle ou même Radon, enfin, je sais pas, je pense que j'y suis allé toutes les 5 heures, entre guillemets, tu sais, pour retester. Je sais pas, toujours pas. Et puis, tu sais, je suis revenu. Bougez pas. Non, mais vraiment, je pense que Radon, la première fois où je l'ai rencontré, la fois où je l'ai battu, il s'est écoulé 20 heures, mais j'ai pas passé 20 heures sur Radan en fait. J'ai passé juste à chaque fois, je faisais 3 essais, je fais la prochaine fois, je reviens, j'aurai un peu plus de stats. Et ça, c'est vrai que ça change tout le rapport. Mais après, il y a encore plein d'autres petits efforts qui ont été faits. On peut penser déjà, il y a beaucoup de sites de grâce et tout. Là, il y a plus ce côté aussi, tu sais, t'es bleu, t'as un feu et tu vas recommencer des dizaines et des dizaines de fois à refaire le même chemin. T'as plus ce truc, je trouve, d'arpenter, tu sais, maintenant l'espace de jeu parce que il y a plus ce rapport là en fait. Et t'as même les statues aussi de ça, c'est marrant, c'est complètement arbitraire. Ils se sont dit, il y a déjà beaucoup de sites de grâce, mais avant chaque gros combat, un peu de boss ou d'endroit clé qui peut être compliqué, hop, on met un checkpoint. Voilà, c'est bon. Le lore. Non, c'est bon. Ils ont décidé. C'est le lore, Maxime. L'histoire, en fait, elle précède la création du jeu. Et eux, ils le découvrent. Ah, mais ils ont déterré le lore. Ils ont dit, on va faire un jeu là-dessus. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait 6 putains de dragons qui sont exactement. On est un petit peu hargneux sur certains commentaires de la vidéo. Genre, comme si le lore, c'est une fatalité. Oui, en fait, il y a ce côté aussi. Bon, ça, c'est assez typique de la communauté des gens autour de Souls. Mais il faut pas non plus leur donner un blanc-seing dès qui font un truc par rapport au lore, quoi. C'est débile. Le coup, par exemple, l'exception, c'est devant Rennala, il n'y a pas de statue de Marika, et il y a tous les zélotes qui vont dire oui, mais c'est parce qu'en fait, elle était fâchée, alors elle voulait pas de statue. T'es là, oui, enfin, ils auraient pu mettre un site de grâce, enfin, tu vois, genre, oui, arrêtez, c'est ça. En fait, de nous casser fait les rouleaux, tout ce qu'on veut, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent, c'est des développeurs, tu vois, c'est leur monde à eux. Donc là, c'était un peu dommage. Et c'est vrai que c'est couillon parce que ce combat, il est assez décevant entre guillemets, oui, parce qu'il c'est pas, c'est peut-être le boss majeur le plus inintéressant du jeu. Ah, bon, il y a une mise en scène un peu c'est joli mais Bayonetta, mais oui, c'est vrai qu'il y a un délire un peu Bayonetta, et là bon bah bizarrement ils ont décidé celui-là tu vas pas pouvoir le refaire, alors que Margit, bon bah il y a 2 mètres à faire, enfin littéralement. Godric, c'est pareil, il y a une petite salle juste avant la grosse arène, tout le monde a son petit truc, il y a juste Radahn, à chaque fois faut se retaper la longue ascension dans le champ, mais ça marche, deux roulades pour esquiver les grandes flèches, et mais même tous les autres après ils font ça. Même Malenia, tu vois, ils acceptent de l'idée de dire bah oui, tu vas juste faire 20 mètres et tu es au boss parce que de toute façon, c'est ça qu'on veut te faire vivre. Et c'est, je pense, c'est après Sekiro qu'ils se sont dit ça, parce qu'avant, il y avait vraiment ce délire de oui, les feux de camp, ça te permet de faire d'aller-retour, de digérer un petit peu la défaite. Ah, tu digères plus. Ce qui n'est pas complètement faux, hein, mais bon, ok, en attendant, Sekiro, ils ont mis un checkpoint avant chaque boss et tout le monde a aussi fait c'est pas mal aussi. C'est pas mal de pas attendre. Et tu peux digérer en restant sur place. Ça va marcher pour digérer. Ou éteindre ta console, faire autre chose, voilà, tu t'agir comme ça. Donc c'est vrai qu'il... Et puis il y a d'autres choses aussi qui ont été apportées. On n'a pas trop parlé du combat à cheval, ça aussi, c'est vrai que ça rajoute. Déjà, rien qu'en truc de découverte, tu vois, pouvoir rider comme ça, vraiment sans s'arrêter, il y a quand même quelque chose de très plaisant. Le cheval, il est tellement facile à contrôler, on l'a pas dit, mais il apparaît comme par magie sous tes fesses. C'est ça, c'est tu génial. Vois, ils ont pas eu envie de nous faire chier, c'est t'appuies sur un bouton, hop, je suis sur le machin. Tu sais, c'est même pas... Enfin, tu vois, la plupart des jeux AAA réalistes, tu vois, c'est le cheval. Il apparaît derrière toi dans la caméra, dans leur champ. Il apparaît, faut que tu viennes, ensuite t'appuies sur un bouton et tu montes dessus. Il y a l'école Red Dead Redemption 2 où c'est encore pire, là c'est galère. Mais là, eux, ils ont dit, on s'en fout. Tu marches sur un objet, t'appuies sur le bouton ramasser, hop, il s'est téléporté dans ta poche. Pas d'animation, de ramassage, de machin. Mais parce qu'ils savent que c'est chiant, ça sert à rien en fait de travailler là-dessus pour. Et en plus, l'anime de comment il saute, tu sais, et tu le vois en fait qui enfourche son cheval, c'est classe. Ouais, ça marche. C'est un truc. Comment on va simplifier les choses? Là, vous me mettez un putain d'ascenseur, le cheval il va voler à 250 mètres. Voilà. La première fois que tu fais ce saut-là, t'es là genre ah mais vous, en fait vous en foutez. Et puis l'inertie du cheval dans la manipulation. Ah oui, mais tu peux faire des doubles sauts. Ils sont dit bah c'est Super Meat Boy, faites ce que vous voulez, tu le maîtrises, c'est n'importe quoi. Tu peux sur les murs, c'est ça. Tu vois, c'est, tu dis ouais, l'école des saules, c'est exigeant, c'est machin, mais en fait il y a certains trucs qui sont en mode mais on vous donne, on s'en fout, faites-vous kiffer. Et puis enfin juste, et puis le cheval, il y a aussi ce truc arbitraire quand tu rentres dans un Legacy Dungeon ou un truc, t'as une petite barrière magique. Le cheval est interdit, faut le ranger. Là, ça, tu vois, ok, très bien. Mais pour des raisons évidentes, c'est du lore. D'accord, c'est du lore. Tu peux rentrer. Mais et puis dernier point qu'on a pas dit, c'est vrai qu'aussi que l'endurance, hors des scènes de combat, ça y est, elle se consomme plus, et ça, tu vois, t'es là, oui, parce que en fait dans un monde comme ça, j'ai envie de pouvoir courir comme un dératé sans m'arrêter, de me dire ah, je dois recharger mon machin. Et tu récupères des fioles de vie aussi quand tu combats certains sets, soit des scarabées rouges ou aussi certains sets d'ennemis, genre si tu fais un camp d'ennemis. Ou certains, je sais pas vraiment quelles sont les lois, ou certains ennemis majeurs entre guillemets de chaque zone, quand tu les tues ils te rendent des potions. Et donc ça te permet de pas être à zéro à certains moments, d'être un peu en stress et de revenir à 6 de grâce. Donc il y a quand même un côté, il faut entre guillemets la mériter. C'est logique, c'est bien de l'avoir fait, parce qu'ils auraient pu garder la philosophie Dark Souls. Mais dans Dark Souls, c'était logique, parce qu'il y avait un côté genre, il faut que tu gères ton stock de potions, et donc tu dois, c'était de la survie. Et mais là, on n'est pas du tout dans le même délire. Ils veulent pousser l'exploration, donc on enlève toute cette barrière. Oui, c'est vraiment les phases d'open world, voilà, endurance, et on te redonne un peu de vie, parce que voilà, mais une fois que tu seras dans des zones plus importantes où on a la main sur le truc, on t'interdit le cheval, tu vas pas récupérer ta vie quand tu veux, on revient à l'école Dark Souls. Et puis le dernier point peut-être quand même, c'est ces fameuses invocations, alors qu'on a toujours été là avec des multijoueurs, mais là il y a les cendres, les espèces de trucs qu'on peut utiliser, et là ça change vraiment la donne, coup de main très significatif dans les combats, forcément. On peut appeler ça le mode facile du jeu, honnêtement. Maxime l'a dit. Mais vraiment, il y a le fait d'invoquer quelqu'un va faciliter le combat, mais une quantité folle, ne serait-ce que par sa présence et le fait d'avoir l'aggro, c'est-à-dire d'attirer les attaques ennemies, de faire la diversion, de se prendre les attaques ennemies. Pendant que toi, tu peux mettre des coups, tu peux te soigner, bon, c'est déjà une aide gigantesque, mais en plus de ça, t'en as qui sont hyper fortes. Parce qu'à un moment, tu trouves la mimique, donc ça veut dire que tu peux te faire un toit. Moi, ce que je faisais, c'est que tu vois, j'avais j'avais un, je faisais ma mimique magicienne et je faisais même moi je repassais en mode combat. Donc on était deux, c'était rigolo. Alors on passait des bons moments. Tu te fais ta petite armée. Et voilà. Et en fait, bah forcément, tu passes. C'est t'as une aide. Tu peux vider des moitiés de barre de vie comme ça sans avoir trop grand chose à faire presque. Donc forcément, si tu rajoutes ça, le multijoueur qui était déjà là, bah en fait, tu peux vraiment vraiment te faciliter la vie. Mais là, c'est tellement plus facile en fait d'avoir ta petite mimique avec toi, ton petit, enfin pas forcément la mimique, mais une petite méduse au début, et après t'as des loups, t'as des machins, et ça va vraiment t'aider à combattre. Ce qui fait que voilà, tous ces éléments-là, le fait qu'il n'y ait plus de murs, les invocations, les checkpoints qui sont plus réguliers, qui sont plus simples, la quality of life dans l'exploration, fait que c'est un jeu qui est beaucoup plus abordable, sans forcément sacrifier sur certains aspects de la difficulté, parce qu'il y a des moments, voilà, il y a des combats qui sont vraiment, tu vois, Margit, c'est difficile, il faut le passer, c'est un combat qui est quand même, il faut connaître le pattern, etc. Mais en fait, tout le monde peut passer 30-40 heures dans le jeu et découvrir plein de choses, et en fait, de profiter. En fait, c'est ça. Ouais. Ce que le jeu a de magnifique à t'offrir, tout le monde va pouvoir le découvrir. Alors qu'avant, c'était vraiment ce truc d'accomplissement et tout. Fallait vivre le jeu et le combat pour passer un peu de l'autre côté et se dire, OK, j'ai été transformé, j'ai vécu ce truc-là. C'était ça l'expérience, en fait, des choses. Là, dans Elden Ring, c'est plutôt tous ces moments dont on a parlé dans l'open world, quoi. C'était ça le truc, tu vois, sur lequel Miyazaki s'est exprimé plusieurs fois. Mais avant ça, les Souls, toujours un peu Elden Ring, mais c'était le sentiment d'accomplissement. Ouais, c'est-à-dire, on va te mettre face à une difficulté que tu vas surmonter et c'est ce plaisir. Et ça va être ça, l'expérience, avec d'autres trucs autour, évidemment. Là, Elden Ring, tu te dis pas forcément que c'est ça qui est au centre de tout. Il y a quand même, c'est plus pour moi, c'était vraiment une soif d'aventure, une curiosité, vouloir visiter des choses. Et les combats, même s'ils sont là, ça vient après. Même si c'est les combats, je pense, c'est quand même le liant. C'est ce qui permet de rendre intéressant. C'est le gameplay. Hein. C'est ça, c'est ce qui permet de rendre intéressant quand même chaque interaction, chaque catacombe, chaque truc, parce que faut pas baisser ta garde. Il y a de l'adversité. Faut quand même faire gaffe, tu vois. Il y a des moments qui vont être dangereux. C'est ça qui te maintient, en fait, éveillé, on va dire. Mais pour moi, c'est plus un jeu d'aventure avant tout, d'exploration. Oui, c'est vraiment ça. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ils ont vraiment embrassé cette philosophie de faire un jeu où la difficulté, elle est à la carte, quoi. Et tu vois, c'est vraiment toi qui choisis de te dire, tu veux un jeu plus compliqué, t'invoques pas. Tu vas pas utiliser tel centre de guerre, tu vas pas utiliser telle magie, tu vas pas utiliser ton cheval, tu vas te battre à pied face au dragon plutôt que d'utiliser le cheval qui te permet de courir super vite. Enfin, je veux dire, si tu veux te compliquer la vie et te la raconter devant tes potes en soirée, tu peux, il y a aucun problème, le jeu te laisse le faire. Et à l'inverse, il donne beaucoup plus de, il te donne un panel, tu sais, il te donne un deck de cartes que tu peux activer, et les gens peuvent et on l'a constaté, enfin le nombre de gens qui étaient réfractaires aux Souls et qui se sont mis avec Elden Ring à jouer au jeu, il est énorme. Et de toute façon, ça s'est vu dans les chiffres de vente. Oui, je pense que il y a Carole Quinten qui, tu vois, je pense que c'est un bon Carole exemple, parce que en fait, vous les deux, voilà, tu vois, bref, mais en tout cas, ces gens-là, ils ont pu rentrer dedans, et après Carole, elle a fait tous les autres, tu vois, elle a joué à Demon's Souls, elle a joué à Bloodborne et tout, donc elle est vraiment rentrée dedans, quoi. Mm-hmm. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on parlait d'Elden Ring en ces termes-là, et je pense que c'est assez juste que c'est devenu à la fois un grand jeu en tant que tel, mais c'est aussi une bonne porte d'entrée, tu vois. C'est si tu veux rentrer dans ces trucs-là, si tu finis Elden Ring, en fait, t'auras quand même appris énormément de choses qui vont faire que sur les expériences un peu plus vraiment qui étaient, comme tu le disais, centrées sur le sentiment d'accomplissement, tu vas pouvoir, tu auras quand même appris à cette chose. Si t'as fini Elden Ring, je pense que tu rentres dans Dark Souls 3, parce que il est, comme tu l'as dit, c'est une crotte à côté d'un Margit, quoi. Ça doit être particulier quand même, cette expérience de passer d'Elden Ring à revenir à l'ancien, tu vois, comment les gens sentir, nous on pourra jamais le vivre, mais c'est vrai que ça doit changer le rapport que t'as à ces jeux. Ils doivent paraître tout petits, beaucoup plus linéaires, mais être aussi peut-être plus rythmé, peut-être plus intense sur certains points. C'est aussi pour ça que je les aime toujours beaucoup. Mais bref, voilà, tout ça qui fait que, une grande réussite et qui a fait que ce jeu, il a pu toucher beaucoup plus de monde, nous confirme encore que l'open world, c'est cette formule qui permet, c'est la formule populaire au c'est sens premier hein. du terme, qui est toujours mais, là. Mais ça manque, il y a encore, tu vois, des choses, alors à faire, c'est peut-être un grand terme, parce que autant je trouve que Breath of the Wild, en plus de ça, il avait rajouté tout le côté physique, chimie, ça changeait le rapport au monde, ce gameplay. Il n'y avait pas un truc, il n'y avait pas une progression linéaire, c'était une progression à différents endroits. T'apprenais le feu, t'apprenais l'électricité et tu t'avais joué un délire de compréhension, d'un moment t'avais une intelligence de créativité, découvrais les lois si on doit faire des s'amuser des combats, je trouve que Zelda reste encore, enfin tu vois, ça a été Zelda apporte vraiment plus, tu vois, au jeu vidéo, un vrai bouleversement, tu vois. Mais Elden Ring, pour moi, c'est quand même c'est la réalisation d'un vieux rêve de gosse qu'on avait, et je pense qu'on est beaucoup à avoir. J'aurais voulu, tu vois, un jeu comme Elden Ring, je me dis, des gamins qui vont découvrir le jeu vidéo avec ça, bah vous avez directement des tests que nous, à chaque fois on qu'on a attendu, des grands jeux. Mais c'est ce qu'on a attendu toute notre vie, tu vois. Il montre que tu peux encore en 2022 être émerveillé par un open world. Et ça, c'est très important. Faisant des choses relativement simples, hein, parce qu'on va dire en termes de prod, c'est quand même énorme. Hein, ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais on l'a dit, ça repose beaucoup sur la relation à la carte. Qu'on connaît, hein. Voilà, sur la topographie de l'open world, la relation à la carte et l'agentivité qu'on va te donner, ce qui est déjà énorme, hein, en vrai. Mais il y a d'autres choix possibles, on va dire, que la formule Ubisoft, et on le savait déjà, hein, voilà, Breath of the Wild ou même Death Stranding, tu vois, qui est aussi un cas particulier, mais c'est rafraîchissant d'avoir ça, c'est clair. Non, c'est sûr qu'en fait, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on voulait expliquer, c'est que même si on a une structure similaire, il y a une approche, en fait, une petite subtilité dans la façon d'aborder cette structure similaire. Et de te donner le truc. Ouais. Et qui donne une expérience qui est différente. Et voilà, les ventes, on l'a dit, c'était 17 millions, c'était en novembre, donc là, on est en février, à mon avis, on a passé la barre des 20 millions. De toute façon, on va sortir l'épisode, vous aurez des nouvelles de From Software, puisque vous savez le pouvoir qu'on a. Voilà. Il y a George Martin, Hidetaka Miyazaki, et au-dessus, il y a Le Grand Game, Cosmos. Hein. Et Le Greater Will. Et voilà, un jeu qui va se ranger du côté des Skyrim. Skyrim, je rappelle, c'est 30 millions. Bon, Red Dead 2 a passé les 50 millions. Il va falloir quand même aller les chercher. Hein, mais voilà, j'imagine que si vous nous écoutez en 2024... 40 millions. Non, mais voilà, si vous nous écoutez en 2024 ou en 2025, voilà, dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'on a eu raison. Moi je mise carrément sur du 40 millions voire 50 millions à terme, ça ne me choque pas. Je pense que le jeu va finir dans les 50 plus grosses ventes de jeux vidéo ever, ça ne m'étonnerait pas du tout. On le sait maintenant, les deuxièmes, troisièmes années, les jeux continuent de se vendre extrêmement bien. Elden Ring, il n'y a aucune raison que ce jeu-là échappe à ce truc-là. Mais par contre, ce qu'on peut mettre comme petit bémol, c'est que maintenant que ça y est, Elden Ring, ils sont assis à la table avec les grands garçons, il va falloir aussi qu'ils se mettent à se comporter un petit peu comme des adultes certains aspects, parce que il y a toujours un certain retard, tu vois. Ils font des choses que les autres AAA n'oseraient jamais envisager dans leurs rêves les plus fous, mais il y a des trucs sur lesquels ils sont toujours à la ramasse. On l'a pas mentionné, mais l'interface, ça va pas. Enfin, oui, si voilà, le menuing, c'est toujours compliqué. Il y a des problèmes d'UI, il y a des problèmes, il y a ces foutus problèmes de caméra. Non, mais tu vois, il y a des problèmes en fait qu'on connaît. Tu vois, il y avait des gens qui disaient c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit journal de quête. Non, on en parlait en préparation. S'il y avait juste un petit menu qui disait j'ai croisé un type, il m'a donné une crevette et il m'a parlé d'un je sais pas quoi. Voilà, c'est tout. Tu vois, pas une quête avec un nom et un objectif. Juste un petit post-it, du genre truc, pour pas que tu aies toi à le faire dans ton coin, et que quand tu relances le jeu après une semaine d'arrêt, tu te dises, ah oui, c'est vrai, il se passait ça, etc. quoi. Tu vois, il y a des petits manques comme ça qui pourraient rendre le jeu encore plus, on va dire, AAA compatible. Mais sans forcément renier, sans sacrifier quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on se disait, on en parlait dans la préparation, on peut le dire, c'est que l'équilibre n'est pas forcément toujours facile à trouver. C'est-à-dire que le mystère est aussi permis par ce truc un petit peu obtus, opaque, tu vois, qui n'est pas forcément simple à aborder. Mais c'est vrai que moi c'est surtout que les quêtes dans les Souls, j'y bite rien à chaque fois, parce que j'ai toujours l'impression que je vais louper des trucs. Ça n'a jamais été une source de plaisir dans les Souls. Donc je me dis, de toute façon, là, tel que c'est, je n'y prends pas plaisir, parce que je sais pas, le PNJ va être planqué derrière un mur et je vais juste le louper trouver la fin pour Rani, j'ai galéré parce que comme j'ai eu le genre du coup, mais non, moi internet, du coup je l'ai eu avant, tu vois, donc il y avait pas encore le wiki, il était en train de se remplir, j'étais en avance sur eux, j'étais là, j'ai galéré de ouf à trouver cette fin et j'ai réussi à la faire, donc j'étais super content. Mais en fait, et après j'ai regardé, et à un moment du coup après je suis allé voir le wiki, il y a 6 fins. Tu vois, genre le nombre de tout le truc de Frenzied Flame, je suis totalement passé à côté la première fois. Ils ont fait une première petite concession quand même, qui est d'afficher les PNJ, parce que avant, en 2022, en tout cas au début, je sais pas quand ils ont incorporé ça, mais quand t'avais rencontré un PNJ et que tu partais, il était pas indiqué sur la carte. C'était à toi éventuellement de mettre, parce que comme dans Breath of the Wild, tu pouvais mettre des petits jetons, t'as des petits jetons prédéterminés et tu peux les placer pour te dire là il y a un mausolée, là il y a un marchand, là il y a un truc. Et là, ils te disent quand même, ils t'indiquent les marchands déjà, et ils t'indiquent aussi tous les PNJ que t'as déjà croisé. Donc ça, c'est une update qui a été faite. Après, c'est vrai que journal de quête, on verra, parce que ça a été l'occasion. Il y a des gens du coup qui disaient que c'était trop bien, que ça leur a fait eux sortir un petit journal et y noter du coup tel PNJ, tel endroit, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Donc de toute façon, il n'y a jamais de solution. Encore une fois, il y a un spectre entre la totalité où on te donne tout, il faut que tu ailles là à 336 mètres, que tu parles à tel personnage, avec le parce petit que chemin machin, avec exactement, et ne rien te donner et faire que tu vas vraiment passer à côté de beaucoup de choses et que tu découvres sur internet. Moi, c'est toujours un peu ça mon problème, c'est qu'il y a une partie de ces jeux, je les découvre a posteriori et je me dis peut-être que si vous m'avez donné juste une toute petit peu plus de fil, j'aurais pu apprécier des choses que j'ai jamais apprécié dans les Souls, parce que je passe toujours à côté, parce que je les découvre pas dedans. Mais oui, après voilà, c'est des petits ajouts pour les faire rentrer un peu plus dans le rang, entre guillemets, même s'ils sont déjà un petit peu rentrés dedans. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que à la fois ils vont montrer la tendance, parce que pour moi, Elden Ring, c'est ça, c'est vraiment ça que je retiens de ce jeu, c'est que comme je disais, il va faire sauter des verrous. Je peux pas dire pourquoi, mais je sais qu'il est en train de faire sauter des verrous dans le tête des développeurs qui se disent ah, on peut faire des jeux comme ça, on peut lâcher les gens dans le vide, on peut les lâcher, tu vois, sans leur donner des infos et tout. Ça va influencer quelque chose, mais ils ont quand même aussi d'autres trucs à s'inspirer. Je veux dire, ils ont repris la structure d'un Assassin's Creed, entre guillemets. Ils ont d'autres choses à retirer à d'autres AAA pour être encore meilleur, parce que ils ont encore des choses à nous dire. Je veux dire, pour moi, Elden Ring, c'est pas la fin de From Software. En fait, c'est peut-être juste le début d'un nouvel ère, d'un nouveau cycle. C'est ça qui me fait marrer, moi, dans la vidéo. Je l'ai appelé la fin du cycle From Software. En fait, la vérité, c'est que c'est la fin d'un cycle, parce qu'on vient de rentrer dans un nouveau cycle, comme dans les jeux From Software, n'est-ce pas? Et c'est ça le truc, c'est que oui, clairement, on est rentré dans un nouveau cycle pour le studio. Elden Ring, ils nous l'ont dit, c'est pas fini. Et de toute façon, quand dans le jeu vidéo, Bandai Namco, maintenant, ils ont le petit chiffre là, tu vois, à mon avis, leur truc de résultat où tu vois Elden Ring 20 millions, tu fais ah d'accord, on peut mettre un petit 2 derrière, t'es les petits actionnaires en mode une petite suite, excusez-nous, on fait un petit suite, non vous faites t'sais, les mecs sur mes lives toutes les 5 minutes qui me demandent c'est quand le DLC, en fait c'est des actionnaires de Bandai Namco. En fait, ils demandent t'sais, aux gens qui bossent dans le bureau, et il a parlé sinon Miyazaki d'une suite, ils demandent travailler dessus, voilà je vous ai amené des chocolats. Évidemment, forcément. En tout cas, il a déclaré au Game Awards, il a dit voilà, en ce qui concerne Elden Ring, on va faire plusieurs choses. Alors voilà, à partir de là, toutes les interprétations sont possibles. Donc, une des choses qu'on a déjà vues, c'est la petite mise à jour qu'on a eue là en janvier pour le multi, le PVP. Voilà, ça faisait partie des trucs, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait, tout simplement, de caler dans le jeu global. Les DLC sont déjà dedans, en fait. Ouais, voilà. Donc, je ne crois pas à une annonce surprise d'un DLC 24 heures après la sortie de cet épisode. Faites-moi mentir si vous voulez, mais j'y crois pas une seconde, parce qu'ils ont été all-in dans le jeu, on l'a dit. Donc, ils doivent reprendre. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Et puis surtout, Elden Ring, c'est la nouvelle licence. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est la nouvelle IP. Dark Souls, ça y est, fini. C'est probablement vous oubliez, ouais. Vous oubliez, Dark Souls 3, c'était la fin. La fin de Dark Souls 3 est déjà une fin, tu vois, conclusion. Non, et puis déjà dans le gameplay, là, enfin, qu'est-ce que tu fais maintenant avec Dark Souls 6? Tu le fais pas en open world, tu vois, avec ça gameplay. Pas. Donc maintenant, ça s'appelle Elden Ring, tu vois. Oui, le nom Dark Souls, parce que bon, ils ont fait Sekiro, il y a eu Bloodborne, ils savent faire des choses un peu différentes. Est-ce que Bloodborne, est-ce que Sekiro c'est terminé? Je dirais pas, mais je parle pas forcément d'une. Oui, d'accord, vous parlez du coup de la licence. Moi, je disais la formule Dark Souls. Il y a un encore, t'as vu que ça puait le Dark Souls 3 à 4 km. En plus, c'est trop drôle, le trailer, tu sais, il te parle des haches, alors en fait, vous avez juste pris des robots. C'est des armures robotiques, des épées robotiques, et puis voilà quoi. Non, c'est vrai que c'est difficile de savoir, est-ce qu'ils vont revenir à cette formule un peu plus linéaire, entre guillemets. Sur certains jeux, sur des petits jeux, des pas de côté, genre un Sekiro 2, peut-être un Bloodborne, un machin, un autre jeu, une autre IP. Est-ce que From Software va devenir le studio Elden Ring? Je pense pas, à mon avis, ils ont envie de faire plusieurs projets, donc je pense qu'ils vont faire Elden Ring 2. Enfin, tu vois, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas un autre jeu qui s'appelle Elden Ring un jour, parce que il y a aussi une bête réalité pragmatique de ils sont en train de se faire un pognon de dingue, donc ils ont raison de vouloir capitaliser là-dessus. Par contre, Miyazaki, on le sait, c'est pas quelqu'un qui aime faire des tonnes de suites. Dark Souls 3, c'est la fin. Enfin, vraiment, pour moi, il n'y aura pas de Dark Souls 4. Ça, moi, je veux pas mettre ma main au feu parce que j'en suis pas sûr, mais à 99%, je suis persuadé qu'il n'y aura jamais de Dark Souls 4. De toute façon, ça aurait pas de sens. Puis c'est la même chose. Enfin, je suis désolé, quand même Dark Souls 4, 5 et 6 ils les ont cachés dans Elden Ring. Donc bon. Après, voilà, un Bloodborne avec une grande cité victorienne, beaucoup de verticalité. Je me demande, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait, mais je me demande toujours si Lendel, la taille de la ville, plus les catacombes en dessous, là, le niveau pourri avec Log, pour moi, je pense que ça fait tout Bloodborne. Je pense qu'en termes de quasiment tout Bloodborne. Peut-être pas tout, mais c'est tellement immense, quoi. Et je me dis, c'est sûr que si demain vous nous dites Yharnam, vous vous y baladez en intégralité avec les 17 arrondissements d'Yharnam, tu vois, genre. Oui, c'est ça. Ok, je signe quand vous voulez, évidemment. Avec une petite carriole comme ça pour se déplacer. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Et on est sur deux petites heures d'émission, donc on est sur deux heures. Comme prévu. Allocording to Keikaku. Keikaku, ça veut dire plan. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. On remercie notre sponsor. Je rappelle que sur le PlayStation Plus, il y a Horizon Forbidden West qui est arrivé. Donc il suffit de vous abonner et vous pouvez jouer au jeu. Il y a le remake de Demon's Souls. Voilà, si vous revenir aux racines, aux fondamentaux, n'est-ce pas? Tout était là en 2009. Tout était là, exactement. À part par le monde ouvert. Et puis il y a les Usurgs qui sont là. Exactement. En parlant d'argent, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. Permettez-nous, nous aussi, de faire fin du game en open world avec des invités. C'est ça l'objectif. On se retrouve... On se retrouve dans longtemps. Oui, pas dans deux semaines. Je n'en ai pas parlé, mais au mois de mars, il y aura un seul épisode de fin du game pour cause de repos pour cette équipe, parce qu'on n'a pas envie de finir comme on a fini l'été dernier, c'est-à-dire complètement éclaté. Donc, on va prendre un petit break. Il y aura un seul épisode en mars. On parlera de Slay the Spire. Donc voilà, rendez-vous parler dans... Parler de bac de crack. Voilà, c'est ça. Pour parler de ça, on se retrouve donc dans 3 ou 4 semaines, je sais pas. On annoncera de toute façon la date sur le Discord. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao. Salut.